Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Philippe Fournier nous fournira quelques bons conseils dans sa chronique financière. Mathieu Janvier nous donnera envie de jouer avec sa chronique de jeux de société Jeux à gogo. Tout ça en plus d'une grosse pointe d'adresse et beaucoup plus à Assemblage Requis qui va voir tout de suite. Assemblage Requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 12 avril 2018. On est à 15 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Il nous reste 9 émissions en direct. Oui, juste ça. Ben oui. On va se rendre. Ben oui. Courage, Tania. Courage. Moi, ça va très bien. C'est les matins qui sont rendus un peu plus difficiles. Ouais, se lever. Quoique là, c'est pas si pire parce que vous regardez l'heure, il fait quand même déjà soleil. Ouais. Je vous dirais que c'est moins pire que le mois de décembre. Mais quand même, hein, après une couple de mois, se lever, ça devient difficile. C'est ça. Mais quand même, on va avoir du plaisir aujourd'hui. Ben oui. C'est toujours une journée bien plaisante. À 7h30, deuxième de trois chroniques pour Philippe Fournier qui vient nous parler de finances personnelles. Ensuite, à 8h, Mathieu Janvier, sa chronique Jeux de société. Ensuite de ça, Tania Baudin, toi-même, qui va nous faire ta chronique Tania Esgolan-Churchenia plus tard dans l'émission. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais vous parler du vin, en fait, parce que le vin, c'est, je pense que c'est déjà prédéterminé. Là. J'aime bien le vin, tu aimes bien le vin. Oui. Donc, souvent, jeudi, on va parler un petit peu de vin. Et là, je vais vous parler de fraude avec tout ça. Fraude de vin. Oh. Ben, voyons donc. Et hey, pour terminer l'émission, une grosse pointe d'adresse. On va goûter quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Ouais, j'ai des produits dans mon tiroir. Je me rappelle pas c'est quoi. Fait que je vais en chercher un, puis ça va être ça. Hein? Bonne idée. C'est l'émission d'aujourd'hui. On va avoir ben du fun. Mais avant ça, on va faire son foutu palmarès dans quelques instants. On va parler, bien sûr, de malbouffe. Moi aussi, jeudi, la thématique de la malbouffe se fait sentir. On va parler, entre autres, de Dunkin' Donuts. Oh. Dans quelques moments. Mais avant ça, la session va terminer bientôt. Je vous le promets, tout le monde va bien aller, va bien s'en sortir, tout finit par s'arranger. Sinon, ben, on va finir à l'asile. Donc voici Rockwood Asylum par Krista Muir à Assemblage Requis. Krista Muir et Rock Rude Ceiling. Oh, oui. Oh, c'était très bon. Oh, j'aime bien cette pièce. Et réveille. Mm-hmm. Ah, maintenant, c'est le moment d'établir une liste. Voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, on est quand même assez précis. On mange nos émotions. Mm-hmm. Des fois, t'as besoin, quand les choses vont pas bien, genre en fin de session, tu travailles fort, hein, t'as besoin de quoi? T'as besoin de beignes. Ben oui, tout à fait. T'as cherché un beignet. Un petit beignet. Alors voici quelques affaires que vous connaissez pas. On parlera pas de Tim Hortons aujourd'hui, tout le monde connaît ça. On va parler de Dunkin' Donuts, un petit peu plus obscur, étant donné qu'il y en a beaucoup moins. Même au Québec, il y en a plus ben. Hein? Donc on a parlé chez popsugar.com à un franchisé de Dunkin' Donuts pour avoir quelques petits faits là-dessus. Commençons par le fait que le premier restaurant est toujours ouvert et sert toujours des invités de nos jours. Dunkin' Donuts qui a été fondé à Quincy, dans le Massachusetts, en 1950 par Bill Rosenberg, à la bonne époque où une tasse de café coûtait seulement combien, selon toi? Hey, c'est une bonne question, mon Dieu. 10 cents. Ah ouais? 10 cents, le café. Toute la nourriture qui n'est pas utilisée va être donnée à une œuvre de charité à la fin de la journée. Ah, ça, c'est bien. Banque alimentaire, OSBL, c'est laissé à la discrétion des franchisés, à savoir donc quel partenaire va être utilisé pour les dons de nourriture. On peut personnaliser à peu près n'importe quoi sur le menu, donc n'ayez pas peur de demander. On dit que le menu de breuvage et de sandwich est complètement personnalisable, basé sur les préférences individuelles du client. Donc on peut commander un sandwich déjeuner avec n'importe quel pain, dont muffin anglais, croissant, bagel, pain plat, etc. On peut choisir n'importe quoi pour aller dedans, des œufs, du fromage, une variété de viande. Tout ça au micro-ondes, évidemment. Mm-hmm. Hein, Dunkin' Donuts, viande, micro-ondes. Ben ouais. Donc, vous allez peut-être voir seulement sur les menus bacon, œufs et fromage, disons, sur un bagel, mais c'est pas la seule option. Ah. Sachez-le. Les saveurs de beignes les plus vendues, qu'est-ce que c'est selon toi? Chez Dunkin' Donuts. Ouais, je connais vraiment pas beaucoup Dunkin' Donuts, mais si je me souviens bien, parce qu'ici à Trois-Rivières, il y en a plus. Non. Il y avait celle qui avait de la crème dedans. Est-ce que tu appellerais ça le crème Boston? C'est celle-là. Je pense que c'est ça, crème Boston. C'est parmi les plus vendus. C'est ça? T'as pour raison, vrai? T'as raison, oui! Ensuite, chocolate glazed cake, donc, tu sais, glacé, chocolaté, là. Chocolate frosted, hein? Jelly filled, donc à la confiture, ah, ouais, à l'intérieur, oui. En tout cas, dans la franchise à qui on a posé la question, c'est ce qu'on a répondu. Ensuite, presque 2 milliards de tasses de café et presque 3 milliards de beignes sont servis chaque année. Oh mon Dieu! Ils servent plus de 1,9 milliard de tasses bien chaudes et de café bien froid, donc les deux mises ensemble, ça donne ça. Ça, c'est au niveau global, donc de la planète. Et plus de 2,8 milliards de beignes et de munchkins, c'est comme ça qu'ils appellent leur trou de beignes chez Dunkin'. Dans une journée moyenne, Dunkin' vend environ 60 tasses de café par seconde. Hey boy, c'est du bon café quand même. Je dois dire que j'aime pas. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Ah ouais, ça fait longtemps. J'imagine qu'ils ont peut-être changé la recette. Ils finissent tout le temps par changer les recettes. Ben oui. Tu sais, chez IW, c'était du Allen & Wright, la marque officielle de IW. Depuis quelques années, c'est une marque connue que je me rappelle pas c'est laquelle. Je sais pas si. Peu importe, je dirais pas de nom, je me rappelle pas c'est laquelle, mais c'est pas aussi bon. Ah, misère. Je trouve pas. Dunkin' Donuts a sa propre école. Hein? Pardon? C'est la Dunkin' Brands University, située à Braintree, aussi dans le Massachusetts. C'est un centre de training, donc d'entraînement, où les franchisés et les gérants de la marque vont entraîner les futurs employés de restaurant Dunkin' Donuts ou Baskin-Robbins. Ça appartient à la même chaîne, juste les crèmes glacées Baskin-Robbins. Des centaines d'étudiants se présentent à l'université Dunkin' Brands chaque année de différents pays de partout dans le monde, dont l'Inde, la Russie et la Chine. Ah, celui-là, ça donne envie quand même, mais pas trop. Les employés ont droit à de la nourriture gratuite et du café. Ouais, si vous êtes un accro au café et que vous aimez les beignes aussi, ben c'est l'emploi pour vous. Hein? J'ai décidé! Les membres de l'équipe. Maman va travailler chez Dunkin. On droit à tout ça gratuitement. Tout ça pour du café gratuit. Et ça, c'est quand même, hein? C'est... T'sais, quand t'as pas beaucoup d'avantages, mais t'as le café gratuit, écoute, au moins t'as ça. Au moins t'as ça. C'est chaque franchisé qui décide, bien sûr, de comment ça se passe, ces règles-là. Ah, OK. Y a une façon facile d'économiser de l'argent quand tu commandes chez Dunkin' Donuts. Ah ouais? Mm-hmm. On recommande, en fait, selon l'employé qui a été reçu en entrevue, de s'inscrire pour le DD Perks Rewards Program, un service service, bien sûr, de récompense, de fidélité. On accumule 5 points pour chaque dollar qu'on dépense chez Dunkin lorsqu'on paie avec cette carte-là. Et une fois qu'un membre est arrivé à 200 points, ils reçoivent un coupon pour un breuvage de n'importe quelle grandeur et tout ça de leur choix. Les membres de Diddy Perks peuvent aussi recevoir un coupon pour un breuvage de n'importe quelle grandeur gratuitement lorsqu'ils s'inscrivent au programme et ensuite à leur fête. Ah bon? Ils reçoivent aussi des offres exclusives et personnalisées. Tout ça a l'air d'une publicité, mais quand même. Profitez, tu sais, on dit des fois de profiter du système. Là. Ouais. Tu sais, vous avez le droit de ne pas la prendre, la carte, là. T'sais? Non, c'est ça. Mais si vous la prenez, vous allez avoir des gratuités. Ça te coûte rien. Voilà pour les secrets de Dunkin' Donuts. Transitionnons à un autre domaine complètement. J'aurais pu faire le dessert à la fin, mais des fois, c'est le fun de commencer par le dessert. T'sais. Continuons avec des choses qu'on connaît pas d'une autre chaîne obscure au Québec, Taco Bell. Ah, ouais. Ouais, il y en a quand même, mais pas beaucoup. Ah, pas au Québec? Pas mal sûr que oui. Pour vrai? Pas mal sûr que oui. Je vais googler la chose. Ça? Ouais, mais il me semble sûrement que... à Montréal. Je pense que oui, un chroniqueur, il me semble, nous avait dit ça à un certain moment donné. Mais bref, donc des choses qu'on ne sait pas sur Taco Bell directement d'un employé. Si vous devez vous poser des questions, ça peut arriver. C'était un Reddit AMA, donc une session de questions-réponses sur Reddit qui a amené à toutes ces, ces petites choses intéressantes. Commençons par le fait que... Oh, vas-y. Mathieu! J'attendais que tu... Oui. Il y en a un à Brossard. Brossard! Puis il y en a un sur Président Kennedy à Lévis. Colin, ça te donne envie, ça? Plus tard aujourd'hui, un petit croche? Tout à fait. C'est ça. Et là, écoute, je sais pas si c'est une bonne information, mais ouais. Si tu tapes Taco Bell Québec ouais. sur Google, okay. tu te ramasses sur la page jaune de Taco Bell Trois-Rivières. Ben voyons donc, non. Mais il y en a pas ici à Trois-Rivières. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un pense en ouvrir un? Je ne pourrais te dire. Parce qu'après les Starbucks, hein? On attend ça, là. Un petit peu de faux mexicain wannabe. Ça serait le fun. Ça serait pas pire. Ça ferait changement parce que pour vrai, tu vois, dans un, mettons, dans un centre commercial, mm-hmm. t'as un restaurant asiatique, ensuite un restaurant asiatique, t'as ensuite un restaurant asiatique. Tu sais, il y en a trois en dedans de quatre restaurants. Tout à fait. Puis souvent, en fait, les Taco Bell sont dans la même bâtisse qu'un PFK. Exactement. Donc, hein? PFK? Ouais. À Trois-Rivières, là. Hey, toi qui m'as fait peur l'autre jour en me disant que le PFK du boulevard de Ricola allait fermer. Ben, c'était pas ça? Il est pas fermé. Ce jour, il a fermé à un moment donné. Ça se peut qu'il rénovait l'intérieur parce possible. Que ça fait années 80, on va se le dire. Je sais pas, je vais pas au PFK. Ah, mais c'est bon une fois de temps en temps. Non! Ça a changé. Mes artères n'en veulent pas. Ça a changé. Reprends-moi, j'ai changé. Ouais. Donc, on était en train de parler, en fait, j'ai pas encore commencé, mais de Taco Bell. Oui. Premier fait, selon un franchisé, c'est que si t'es pas gentil, mettons, t'es mal poli, impoli, ouais. en tout cas, tu traites pas bien les employés, ça se pourrait que t'aies pas le fromage en extra que t'as demandé. Ah. Ouais. Donc, des fois, il y en a qui demandaient sur Reddit pourquoi est-ce que je paye pour du fromage additionnel sur mes tacos, mais on dirait que c'est pas mal la même chose que d'habitude, donc est-ce que le extra fromage existe vraiment? L'employé a révélé que des fois, les extras sont ignorés. Oh. Des fois, c'est la même chose qu'on fait d'habitude, juste parce que ça tente pas de le faire, aussi. Ou sinon parce que quelqu'un a été méchant avec toi, parce que quelqu'un t'a parlé mal. Bah, c'est ça. Sinon, il y a des fois où les gens sont super gentils et ils vont mettre comme 5 fois plus de fromage, ça arrive aussi. Mm-hmm. Le vrai extra en tant que tel, c'est le double de la portion. Mais ça vient pas avec grand chose au départ, donc quand t'en demandes extra et que t'as l'habitude de prendre ça, ça a l'air d'une portion normale. Ok, ouais. L'habitude, c'est juste une petite pincée de fromage sur le soft taco chez Taco Bell. Misère. Eh, c'est radin. Radin. Le fromage expirera pas tout de suite. Hein? Ouais, quelqu'un demandait si la nourriture de chez Taco Bell était pour vrai, était réelle. L'employé a répondu, ben, tu sais, tout vient dans des sacs, hein? Donc on les réchauffe et on sait pas quelle sorte de viande est utilisée, mais quand même, le gars il dit que ça fait 15 ans qu'il travaille chez Taco Bell et que le bœuf apparemment est USDA Choice, donc de sélection américaine. Pour le fromage, c'est du vrai fromage, mais il expire pas avant vraiment longtemps, genre un an. Oh, donc, c'est rempli d'agents de conservation. Évidemment, c'est utilisé super rapidement, donc c'est pas du vieux fromage qu'ils utilisent parce qu'il y a quand même un bon roulement, mais c'est juste que la date d'expiration est vraiment très très loin lorsqu'ils reçoivent les sacs. Ensuite, n'oubliez pas les additions additionnelles et les échanges possibles. Si vous voulez personnaliser votre commande, un peu comme on l'a fait tantôt chez nos amis de chez Dunkin', il y a quelques échanges qu'on peut faire gratuitement chez Taco Bell. On peut échanger les refried beans, là, les pois frits, là, pour des black beans gratuitement, et la sauce rouge pour de la sauce verte gratuitement, et de la laitue iceberg pour de la laitue romaine aussi gratuitement. On peut ajouter des oignons, de la sauce rouge ou sauce verte gratuitement à n'importe quoi. Il n'y a même pas de coût additionnel. Les végétariens peuvent aussi substituer la viande pour des pois et du riz, sinon. Pour aucun montant de plus. Et on dit que le burrito sur le menu à 1$ est environ de la même grandeur que les autres burritos, mais environ 30 cents moins cher. Donc, si vous voulez vous économiser de l'argent et avoir à peu près la même chose, maintenant, vous le savez. That's it, hein? On peut commander un à côté de bœuf et un petit taco à part pour faire votre propre taco pas cher. Ouais, plusieurs personnes commandent des tacos sans laitue, fromage ou les deux. Vous pourriez commander un à côté de bœuf et un taco à côté. Donc, c'est moins cher de commander ça avec un tortilla ou un taco mou et l'assembler vous-même. Vous pourriez aussi demander de le... en fait, vous pouvez demander ces ingrédients-là à part et leur demander, pouvez-vous faire un taco avec, genre? Ils vont même probablement te le faire. Ça va coûter beaucoup moins cher que d'acheter un taco tout fait. C'est bien. C'est bizarre, hein? Le secret le mieux gardé, apparemment, c'est le Nacho Cheese Chicken Chalupa. Chez Taco Bell, le Chicken Chalupa, normalement, a une grosse dose de crème sûre sur le dessus, mais on peut commander un Nacho Cheese Chicken Chalupa, et à la place, ça va devenir donc un Chicken Chalupa très, très fromagé à la place de la crème sûre. Hein? Quelqu'un voulait savoir si c'était une commande qui arrivait souvent, et l'employé a dit que les gens commandent ça tout le temps, mais ils demandent s'ils peuvent quand même avoir la crème sûre par-dessus. 50% disent qu'ils en veulent et 50% disent que non. Donc, tu peux ajouter du fromage et de la crème sûre sur ton Chicken Chalupa. Ça a l'air délicieux. Tellement. La meilleure chose sur le menu, selon cet employé-là, c'est le Cheesy Gordita Crunch. C'est comme un paradis des saveurs, le Cheesy Gordita Crunch, qui est un taco solide enveloppé de tortilla à la farine mou et c'est rempli ensuite de bœuf, de sauce ranch épicée, de fromage et de laitue. Miam. Miam, miam, miam. Tantôt, on a parlé chez Dunkin' que les employés avaient des rabais. Oui. Les employés ont aussi des rabais chez Taco Bell. Par contre, eux, c'est 50%. Oh, wow! Vous pouvez travailler là et avoir la moitié du prix si vous avez travaillé au moins 2 heures de votre shift à chaque fois. Donc, pour avoir le rabais de 50%, il faut avoir travaillé 2 heures avant ça. Tu comprends? OK, oui, je comprends. À chaque fois. Et finalement, la viande de taco a colorant au caramel. Quelqu'un a demandé sur Reddit c'était quoi qu'il y avait dans le taco juice. Donc, qu'est-ce qui fait que la viande du Taco Bell est si juteuse? L'employé a dit qu'il n'était pas complètement sûr, mais il a répondu avec surtout de la saveur de fumée et du colorant caramel. C'est ce qu'il a entendu dire. Donc, c'est ce qu'il y aurait dans la viande de taco pour la rendre aussi belle et brune et sucrée. Miam. Et miam, miam, miam. Ça donne faim, tout ça. Je sais, on est jeudi, ça commence comme ça et ça finit comme ça. C'est le milieu qui est un petit peu plus contenu, tu sais. On s'emporte dans des choses de fast-food comme la prochaine liste, une troisième. C'est des choses qu'on pourrait ne pas savoir sur Pizza Hut. Oh! Ouais, ça fait presque 6 décennies que Pizza Hut vend ses pizzas fromagées bien chaudes à des gens partout dans le monde. Il y a plus de 15 000 Pizza Hut dans 90 pays. Et la compagnie parent de Pizza Hut aux États-Unis, Yum Brands, est le numéro 713 sur la liste Forbes Global 2000, donc les 2000 valeurs sur le marché qui valent le plus cher finalement, avec une valeur sur le marché d'environ 34,6 milliards de dollars. Donc voilà, on commence avec le fait que ça a été fondé par deux frères qui étaient toujours à l'université. C'est Dan et Frank Carney qui ont emprunté 600 $ de leur mère en 1958 pour ouvrir une pizzeria alors qu'ils étaient à Wichita State University. Le nom était inspiré d'un ancien bar qu'ils avaient loué pour ouvrir leur premier endroit. Donc j'imagine qu'il y avait Hut quelque chose, The Hut ou peu importe. Donc ils ont dit, bon, parfait, on va s'inspirer de ce nom-là pour appeler ça Pizza Hut. Ils ont loué un bar qui existait déjà. C'est bien ça. Ouais, ensuite, les franchises de Pizza Hut, c'était presque instantané après l'ouverture. Un an après la première place qui était à Wichita dans le Kansas, les frères Carney ont incorporé leur entreprise et ont demandé à leur ami Dick Assure d'ouvrir la première franchise à Topeka dans le Kansas. Assure, qui était déjà allé à l'école et qui avait travaillé chez Boeing avec Dan Carney, cherchait une façon de sortir de son emploi qu'il aimait pas, un emploi d'assurance. Il est devenu donc propriétaire de plusieurs franchises. Il a travaillé pour trouver d'autres gérants qui pourraient ouvrir leur propre Pizza Hut à travers le pays. Et après ça, on dit qu'il y a un gérant à succès d'un Pizza Hut à Wichita qui s'est fait... qui voulait partir, qui voulait fermer sa branche. Assure a été envoyé pour convaincre l'homme de rester. Okay. Et si vous voulez un fait intéressant, ce gérant-là était Bill Parcells qui avait quitté son emploi chez Pizza Hut pour prendre un poste de coach dans une université du Nebraska. Plus tard, il a coaché plusieurs équipes de la NFL, ce qui a mené aux New York Giants qui ont gagné deux Super Bowls avec lui, Bill Parcells. Donc peut-être qu'il a eu tort de quitter Pizza Hut, peut-être qu'il a eu raison de quitter Pizza Hut. Mais oui. On dit que... c'est ça. Ensuite, il y avait une mascotte chez Pizza Hut dans les premiers jours. Oui. Pizza Hut avec un genre de, je sais pas si c'est un Mexicain picno un petit peu, avec du poil sur le chest. OK. Avant qu'on arrive avec les toits rouges chez Pizza Hut en 1969, Pizza Hut avait une mascotte à moustache nommée Pizza Pete, qui était aussi son logo. Donc, c'était une bande dessinée, un personnage de bande dessinée qui portait un chapeau de chef, un foulard et un tablier en servant des repas chauds aux clients. Pizza Pete, ça fait penser à Pita Pete. Hein? Ben oui. Chez Pita Pete, il y a Pita Pete. Eux autres, il y avait Pizza Pete. Inspiration. Ça a été utilisé pendant les années 70 sur les sacs, les verres et les publicités, mais éventuellement, on a fini par s'en débarrasser. Le parfum Pizza Hut a existé très récemment, peut-être t'en souviens-tu, c'était annoncé à la fin de 2012. Que Pizza Hut prévoyait sortir l'édition limitée de son parfum pour sentir la pâte fraîche avec un peu d'épices. J'espère que c'est une joke. C'est vrai. 100 fans sur la page de Pizza Hut Canada sur Facebook ont gagné une bouteille de ce parfum-là. Et il y a eu aussi une autre promotion vers la Saint-Valentin qui donnait aux amoureux de la pizza une chance d'avoir cette fragrance-là par un concours sur Twitter. L'emballage du parfum ressemble à une mini-boîte de pizza. Et il y en a présentement en vente sur eBay. Peut-être pas présentement, mais souvent. Pour 495 environ. US. Pizza Hut a fait ses propres Easy Bake Ovens. Tu sais, les petits fours pour faire des gâteaux, des muffins, quand on était jeunes. Les enfants des années 70 ont pu avoir leur propre petit four à pizza en forme de restaurant avec le toit rouge et même le personnage de Pizza Pete où on peut faire sa propre petite fausse pizza sous une ampoule de 60 watts. Évidemment. Ensuite, ils ont eu beaucoup de succès avec les Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza Hut, lorsque le groupe de tortues qui combat le crime et qui aimait la pizza est devenu donc des icônes de la pop culture. C'était évident qu'une compagnie de pizza allait vouloir faire affaire avec eux, évidemment. Donc Domino's a été mise en vedette dans le premier film des Teenage Mutant Ninja Turtles en 1990. Des publicités pour Pizza Hut étaient incluses sur la cassette VHS lorsque le film est arrivé sur vidéo. Pizza Hut aurait dépensé environ 20 millions de dollars sur le marketing pour les tortues pendant la campagne Coming Out of Their Shells en 1990. C'est une tournée de concert et un album de musique. Le partenariat a continué jusqu'en 2014 avec le film de Michael Bay, Teenage Mutant Ninja Turtles. La publicité vintage était remplie de vedettes. Ah, ouais. D'accord. Tu connais Elijah Wood? Oui. Il avait 11 ans quand il a filmé sa propre publicité de Pizza Hut. Pour vrai? Avec de la salade de patates. Oh. Ouais. Et sa co-vedette était Ringo Starr. Et... Oh, rien de moins. Ouais. Et les Monkees aussi. OK. Donc, il y a eu l'ancien président soviétique Mikhail Gorbatchev aussi dans les publicités. Et c'est ça, Pizza Hut. La publicité n'a pas été diffusée en Russie, mais quand même, on a demandé à quelqu'un de russe de venir jouer dedans. Vous pouvez aller voir les vidéos en passant de ces publicités-là sur assemblagerequis.com. Ensuite, il y a un programme chez Pizza Hut qui s'appelle Book It, et ça a eu 30 ans l'année dernière. Donc, en 1984, Pizza Hut a lancé le programme Book It. C'était une initiative pour encourager les enfants à lire en les récompensant de reconnaissance et de pizza. Ça a été un si grand succès que la première dame des États-Unis, Barbara Bush, a fait un petit pizza party à thématique lecture à la Maison-Blanche en 1989. Le programme maintenant est le programme qui a duré le plus longtemps, qui est supporté par une compagnie, programme de lecture, donc au pays. Si on met ça à l'endroit, ça fait le programme de lecture soutenu par une compagnie qui dure le plus longtemps depuis l'histoire. Voilà. Ensuite... ils ont été très très rapides sur la folie de la pizza parce que Pizza Hut a amené la pan pizza en 1980, 9 ans avant la compétition chez Domino's entre autres qui ont ajouté la pan pizza à leur menu. En 1983, ils ont amené les pan pizza format personnel, donc les plus petites, qui sont toujours très adorées et qui sont d'ailleurs parmi les prix du programme Book It dont je viens tout juste de parler. Et c'est aussi la seule option de pizza dans les petits Pizza Hut cafés parce qu'il y a, savais-tu, des Pizza Hut à l'intérieur des Target aux États-Unis. Oh non, je ne savais pas. Donc quand tu te commandes une pizza, ben, c'est toujours une pan pizza personnelle. Tu peux pas avoir une plus grosse que ça. Ensuite, ils ont aussi eu du succès très tôt avec la commande en ligne. C'est un des seuls restaurants que j'utilise fréquemment pour commander en ligne. Il n'y en a pas ben des restaurants qui commandent en ligne. Il y avait PFK, ils font encore, mais ils ont arrêté à Trois-Rivières. Mais bref, chez Pizza Hut, on peut encore. Pizza Hut et The Santa Cruz Operation ont créé Pizzalette en 1994, bien avant d'autres programmes qui allaient permettre aux utilisateurs d'ordinateurs de placer des commandes via Internet. Le Los Angeles Times a dit que l'idée était intelligente, mais seulement à moitié cuite, comme dans genre à moitié bien pensée. Bon, quand même, c'était peut-être pas le site le plus extraordinaire, mais ça fonctionnait et le site fonctionne toujours. Vous pouvez même aller commander sur le PizzaNet. Maintenant, sur pizzahut.ca et pizzahut.com, ils ont leur système un petit peu plus avancé, si on veut. Mais le système PizzaNet des années 90 existe encore et fonctionne et envoie quand même la commande, si vous voulez l'essayer. Aux États-Unis, bien sûr. Ensuite, la pizza de Pizza Hut est allée dans l'espace. Hein? Ouais, en 2001, la compagnie est devenue la première à livrer une pizza dans l'espace. Avant d'être scellée et envoyée à l'International Space Station, la station spatiale internationale, la recette de pizza a dû vivre quelques petits tests de conditions thermiques stabilisées pour s'assurer que ce soit toujours mangeable une fois rendu dans la station spatiale, évidemment. Pizza Hut a dû payer très cher aussi, on nomme pas la somme, mais on dit que c'est plus d'un million, pour avoir une publicité de 30 pieds de large sur une fusée en 1999. Mais finalement, ils sont allés dans l'espace, mais pas sur la Lune, nous dit-on. Un haut placé chez Pizza Hut, Mike Rawlings, a dit au New York Times en 1999 que l'idée de marketing dans l'espace était que le logo soit montré sur la Lune avec des lasers. Mais une fois qu'on a commencé à étudier un petit peu le projet, les astronomes et les physiciens ont conseillé en fait que l'image projetée devrait être aussi large que la grosseur du Texas pour être vue à partir de la Terre et que le projet aurait coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on était mieux de seulement faire des publicités au Super Bowl, ça vaut plus la peine. Ils ont déjà offert des forfaits de fiançailles pizzatées, ah? Oui, chez Mon Pizza Dieu, OK. La meilleure façon de se marier. En 2012, Pizza Hut a suggéré aux mariés de se faire un petit party de fiançailles avec une boîte de souper de dîner à 10 $ OK. 10 $ Une limousine. Oui. Une belle bague avec un rubis. Des feux d'artifice, des fleurs et un photographe, tout ça pour 10 $ Donc 10 $ pour le mariage, puis 10 $ pour la boîte de souper, quand même. Seulement 10 ensemble ont été offerts. Et c'est ça. Donc il fallait dépenser 10 $ sur la nourriture et le coût du mariage était à part. Fiançailles, pas mariage. Ouais. J'arrêtais pas de dire mariage, c'est une fiançaille. OK. Ensuite, il y a eu beaucoup, en fait, encore aujourd'hui, des épisodes qui ont été réutilisés dans d'autres contextes, des épisodes qui sont fermés. Et maintenant, c'est transformé en d'autres commerces. Ouais. Sauf que ça a toujours l'air d'un Pizza Hut parce que Pizza Hut c'est clair, hein? A un c'est toit, assez, un toit caractéristique. C'est ça. Et des fenêtres aussi. Oui. Caractéristiques. En effet. Bref, les franchisés de la compagnie n'ont pas toujours de succès. Mm-hmm. Ça arrive des fois qu'ils ferment. Les bâtisses vont être laissées comme ça pour mortes par leur nouveau propriétaire jusqu'à ce que quelqu'un démolisse ça et remplace ça. Mais étant donné que les restaurants ressemblent à quelque chose comme un Pizza Hut, ben il y a un blog qui s'appelle Used to be a Pizza Hut, donc c'était un Pizza Hut, qui a une map interactive des anciennes huttes soumises par des gens de partout dans le monde. Ooh. Apparemment, ils ont 515 endroits de poster, plus de 200 qui attendent présentement pour être postés. Il y a aussi eu une campagne Kickstarter pour créer un livre photo nommé Pizza Hunt, qui documente la deuxième vie de ces restaurants-là. Je suis ce blog-là depuis plusieurs années. Ouais. Et je le trouve vraiment bien. C'est très bien. Si je me souviens bien, c'est en Ontario. Ils ont réutilisé les locaux, puis ils ont fait un Tim Hortons, puis d'autres fast-food à l'intérieur. Ça a plus de sens que, mettons, des compagnies de. Il y a des concessionnaires de voitures dans des pizzas, des compagnies d'assurance, des Kiro, peu importe. Exactement. C'est quand même spécial. Et puis, pour terminer, Pizza Hut, c'est 3% de la production du fromage aux États-Unis. T'es-tu sérieux? Ouais, avec toutes ces croûtes remplies de fromage, Pizza Hut a besoin de beaucoup de produits laitiers. Et la compagnie utilise plus de 300 millions de livres de fromage annuellement. Et c'est un des plus grands acheteurs de fromage au monde. Et pour faire ce fromage-là, 170 000 vaches sont utilisées pour produire environ 300 milliards de gallons de lait. Ben voyons donc. Incroyable, hein? C'est vraiment beaucoup. Quand tu vas commander une ultime pizza amoureuse. Mais toi, t'es comme un amateur de Pizza Hut, hein? Ben, c'est parmi mes préférés, pour vrai. C'est pas de la haute qualité gastronomique, là, mais c'est que, ben, premièrement, t'en as beaucoup pour ton argent, quand même. Je pense que la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un Pizza Hut, je devais avoir comme 10 ans. Mais leur bouchée de poulet, là, à la sauce salade... Je comprends pas comment celui de Trois-Rivières fait pour rester vivant. Il y a pas juste moi. Tu sais? En plus, avec la commande en ligne. Y a vraiment du monde qui y va? Je sais pas en personne. Mais il y a beaucoup d'événements qui ont lieu là pour ramasser de l'argent. C'est vrai, t'as raison. Quand même, si quelqu'un organise un petit souper pour ramasser de l'argent pour un gala, quelque chose, là, ça se passe souvent chez Pizza Hut. Mais non, j'aime beaucoup. Voilà pour des faits de Pizza Hut. Voilà pour des faits de Taco Bell et de Dunkin' Donuts aujourd'hui. On a parlé de bien de choses, bien des choses, et moi, j'ai bien aimé ça. On prend une pause. Au retour, Philippe Fournier va être là pour sa chronique financière. C'est dans quelques minutes. Oh, ça qu'on en a besoin. Deux de trois, on va en profiter. Et bon. Un sondage requis. Assemblage requis. La journée nous appartient, Tania. Exactement. Oh, carpe diem et toutes ces affaires-là, petite phrase creuse. On va avoir des phrases pas mal moins creuses, en fait, hein, avec Philippe Fournier, notre chroniqueur financier qui est avec nous. Salut, Philippe. Bon matin à tous. Ça va bien? Yes. Yeah. Très heureux ce matin. Très heureux de faire cette deuxième chronique financière avec nous. Nous qui avons eu tellement de questions la semaine passée que ça pourrait faire la même chose cette semaine. On va voir. Exactement, puis j'ai justement adapté ma petite chronique de ce matin en fonction de l'engouement des questions de la dernière fois. Il n'y a rien préparé, okay, ouais, sachant qu'on va... Il est comme bon, ils vont te parler tout le temps, de toute façon. Mais je suis aussi très heureux ce matin parce que je suis convaincu qu'on va doubler le nombre de spectateurs dans le public. Exactement, parce que ma mère a dit qu'elle écoutait l'émission. Bon, alors, et voilà. Sa mère. C'est ça qu'on attendait, dans le fond, c'est qu'il nous fallait, ben oui, c'est fou. C'est ça, c'est nos parents qui nous écoutent. Salutations. On accepte les dons. Oui, c'est ça. Alors, Donnez généreusement. Donnez généreusement. Mon deuxième sujet, justement, ça va être le crédit. Pourquoi j'ai décidé de prendre le crédit, c'est parce que ça touche tout le monde. Est-ce que c'est comme une blague, comme prendre le crédit du sujet? Oh! On dit en anglais des fois. Taking credit. Pas bien. Ouais. Non. C'est pas vraiment ça que tu voulais dire. Non, mais je la donne. C'était, on commence c'était pas préparé. Tu sais, non, c'était sur le fly. Pourquoi j'ai choisi le crédit? Parce que selon moi, c'est un outil qui peut être très pernicieux, mais en même temps très lucratif. Mm-hmm. Fait que ça veut dire que, en fond, c'est un couteau à deux tranchants, mm-hmm, si on le maîtrise pas bien. Alors, premièrement, je vais faire ça en deux étapes. Commencer avec le côté du crédit à éviter, en expliquant tous les différents types de crédits. Mm-hmm. Puis ensuite, comment on peut mettre le crédit à bon escient. S'en servir comme faut. Ben oui. Mm-hmm. Exactement. Donc on commence par les mauvaises façons de s'en servir. Je pense qu'on a tous fait ça plusieurs fois dans la vie. Anecdote, mettons. On le paye encore. C'est ça. Les banques ont tendance à donner plus de crédit que ce que tu as vraiment besoin. Oui. N'est-ce pas? Puis t'es pas obligé de l'accepter à chaque fois. C'est ça, faut que tu le... faut que tu le demandes. Quand il t'envoie la permission de le faire, il faut que tu le demandes pour l'avoir, non? Exactement. Ici. Alors qu'aux États-Unis, je crois que c'est le contraire. Ils te le donnent et si tu veux l'enlever, il faut que tu les appelles pour l'enlever. Je suis ça, quelque chose comme ça. Je ne suis pas au courant. Ouais, c'est ça. Mais j'avais raison en disant qu'il faut le demander quand même. Oui, mais quand on le reçoit, il faut quand même prendre le temps de les appeler puis l'accepter. C'est qu'ils te l'octroient, mais tu peux dire. Tu peux juste ignorer cet envoi-là, tout simplement. Et puis, c'est vrai. Pas toujours accepté comme on a tendance à le faire quand on est jeune et qu'on se dit, hey, crime, c'est de l'argent gratuit. Exactement. C'est pas tant gratuit, non? Les intérêts montent vite. C'est ça. Alors, bon, pour commencer, on va parler des différents types de crédits. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Alors, bon, premièrement, vous savez, il y a la carte de crédit. Oui. Il y a le prêt étudiant. Ah, oui. Le prêt personnel. Mm-hmm. Prêt auto. Et les marges de crédit. Puis prêt hypothécaire. Oui. Oui. Et puis, tout dépendamment de l'un et l'autre, mais c'est sûr et certain qu'à peut-être à un meilleur moment, il y a un outil, si vous vous rappelez un petit peu la dernière fois. De la boîte à outils. Exactement, mm-hmm. mais qui va être meilleur à un moment donné que l'autre. Mais toujours dans la façon qu'on l'utilise. OK. Mm. Et ça doit être, est-ce que c'est illégal de prendre un prêt de voiture, mais de ne pas s'en servir pour une voiture? Tu sais, mettons, tu fais ça. Tu dis, OK, je vais emprunter pour une voiture, mais tu sais, je mets ça sur un nouvel ordi, mettons. Mais... Ça te prend un prêt personnel dans ce cas-là? Oui, c'est ça. Peut-être à la banque, mais la banque, ça va être considéré comme un prêt personnel. Mais okay. Si tu vas dans un concessionnaire auto, puis t'achètes pas d'auto, tu pars avec un prêt auto. Il y a un problème quelque part. Ils ont leur propre système dans les concessionnaires auto. Oui, oui okay, mais c'est quand même, c'est backé par des banques. Okay. Fait que c'est quand même des banques en arrière qui vont aller prêter l'argent. Mais, bon, c'est ça. Puis quand tu vas dans un magasin de meubles, mettons, puis qu'ils te donnent un accédé, ça passe par Desjardins, c'est aussi un prêt personnel, j'imagine. Exactement. Okay. Je comprends. Mais c'est via une carte de crédit, bien souvent. Oui, c'est ça. Puis quand on la paye, c'est vraiment beau les 24 premiers mois à 0%, mais après 24 mois, c'est... Watch out! C'est... Ouais. Tempête. Apocalypse. Exactement. Ouais, c'est ça. Ensuite, je voulais parler du dossier de crédit vite. Oui! Parce que là, on parle des différents types, puis après ça, là, je rentre dans le dossier de crédit. Dans le fond, le dossier de crédit, c'est une photo du passé... de vos habitudes d'emprunt. Mais c'est une photo qui... Ouais. Oui. Une photo quasiment pas privée, t'as accès, mais tu peux juste la voir comme à un certain moment, tu sais. Tu peux aller la visiter une fois, mettons. T'sais, c'est mais difficile de la voir. Mais tu vas pas la visiter trop souvent. Parce que ça coûte cher. Exactement. Faire, sortir ta cote de crédit, non? Il y a des façons de la voir gratuitement, ça je sais. Vrai, exactement. Ouais. Fait que les deux compagnies, c'est Equifax puis TransUnion. Mm-hmm. Allez consulter... C'est gratuit. Oui. OK. Si on veut, par contre, avoir notre score, mm-hmm. il y a un frais qui est relié à ça. Et souvent, c'est des frais qui sont mensuels. Quand je me suis inscrit, c'était 16,95 par mois chez je crois que c'était TransUnion. C'est pas le fun du tout. Après ça, tu peux te désinscrire quand tu veux. OK. Qui me disait, je leur ai écrit un courriel, je leur ai demandé, coudon, y a-t-il moyen de juste payer une fois? Non. Dans leur cas, c'est exactement mensuel. J'ai pas vérifié, ouais. Excuse-moi. De mémoire, c'était juste un frais une fois. C'est possible qu'il y ait offert ça quelque part, ouais. Puis d'après moi, c'est à peu près ça, 20$, tu fais venir ton Beacon Score, puis tu regardes ça, mais ça serait à regarder plus en détail. Mais au-delà, quand tu l'as une fois, t'as pas besoin de regarder si souvent que ça, là, non, si, surtout si ta situation change pas si souvent. Mm-hmm. Puis en même temps, ça prend du temps pour évoluer dans le temps aussi ta cote de crédit. Exactement. Moi, c'est là que j'ai vu que je devais de l'argent à une compagnie il y a quelques années, puis que ça s'était perdu dans le poste. Puis là, j'ai pu régler ça, sauf que ça prend du temps que ça s'efface, malheureusement. Une autre gaffe. Alors, pour le pointage, c'est entre 300 à 900. Oui. 900, okay. C'est... merveilleux, okay. C'est pratiquement impossible d'avoir parce que du moment qu'on a accès à du crédit, mais ça diminue. Puis 300, bonne chance. Tu dois pas pouvoir faire grand chose avec 300. Absolument rien. Et puis dans le fond, selon les deux agences que je vous ai nommées tantôt, le pointage reste le même, mais la façon de calculer va changer. Ok. Fait que ça, dans le fond, c'est calculé sur quoi ce pointage là? C'est calculé dans le fond sur le nombre de demandes de crédit qu'on fait. C'est sûr, si on en fait 4 par jour dans différentes institutions, c'est vraiment pas bon, mais une par mois, aucun problème. Ah, pas vrai? OK, cool. Je savais pas ça. Ensuite, c'est basé sur notre historique et nos retards de paiement. Mm-hmm. C'est que si vous payez à tous les mois correct, merveilleux. Si vous n'oubliez une fois de temps en temps de quelques jours, un mois, encore là, ça va pas trop imputer. OK? Idéalement, c'est zéro. Ouais, OK? Ouais. Faut que tu sois vraiment délinquant pour que la compagnie, je sais pas, envoie ces informations à une agence de recouvrement, peut-être, pour que ça fasse un... Après moi, c'est peut-être deux mois pour... Deux mois. Mm-hmm. OK. Parce que là, ils vont commencer à se dire... à moins que vous avez déjà été capable de communiquer avec eux. Faire une entente de paiement. Exactement. Okay. Fait que des fois, c'est pas toujours de pas payer, mais c'est plutôt de pas donner de nouvelles aux créditeurs. Mm-hmm. Ça a du sens. Ensuite, c'est l'utilisation du crédit disponible. Mm-hmm. Fait qu'exemple que vous avez une carte de crédit de 1 000 $, mm-hmm. puis être toujours à 1 000 $, mais ça, c'est pas bon. Mm-hmm. Fait qu'à la limite... Tania, ça pourrait être une carte de crédit de 5 000 que t'as. Ouais, non, mais je faisais juste boire une gorgée de café, voilà. Ouais. Tu sous-entends des choses, là, voyons donc. Spéculation. Persécution. Spéculation, on en parle tantôt aussi. Oui, tu disais. Mais ça pourrait être une carte de crédit de 5 000, mais que tu la gardes toujours à 1 000. Ouais. C'est juste, dans le fond, en delà de 35 %, ça n'a aucun impact sur ta carte. Ah, OK, cool. Entre okay. 35 à 50 %, ça a un petit impact. 50 et plus, là, ça va jouer davantage sur ta carte de crédit. Ah. Fait que si ta carte est toujours à 100 %, ben là, problème. Faut changer sa façon de voir les choses parce que 5 000 $, ça a l'air d'être « Hey, j'ai 5 000 $ d'argent. » Ouais, non, c'est comme ça, tantôt, exactement. Mais c'est pas ça du tout. Faut que tu leur payes. Exactement. Mais mettons que tu as réussi à loader ta carte de crédit comme la plupart des étudiants, là, j'imagine. T'as échoué, pas réussi. J'ai échoué lamentablement. Et puis, elle est toujours pleine. Comment est-ce que tu arrives à la déloader sans nécessairement prendre tout ton argent? Non, déjà. Excuse-moi, j'ai quelque chose encore. Tu peux-tu faire, mettons, arriver à ta banque ou à ton institution bancaire, peu importe ce qu'elle est, faire un prêt personnel, rembourser ta carte de crédit et par la suite, tu sais, on le sait qu'un prêt personnel, ça se rembourse par mois. Ça, c'est une consolidation de dette, hein? Oui et non. Mais oui, mais dans le fond, il y a plusieurs questions dans ta question. OK. Premièrement, bon? B, C. Au niveau de la stratégie du paiement des intérêts, mm-hmm. ça, c'est extrêmement important. OK? T'as parlé d'avoir une carte de crédit. Dans le fond, c'est qu'il faut toujours payer sa carte à tous les mois. Que mm-hmm. tu as une carte de crédit de 100 000 ou 500, à tous les mois, il faut qu'elle soit à zéro. Mais payer, ben, ouais. Sachant, exemple, que tu as un revenu qui te rapporte une capacité maximale de rembourser de 500 $, je te conseille pas de mettre plus que 500 $ sur ta carte. Parce que si tu veux continuer de vivre quand même. Exactement, ouais. Parce que sinon, c'est une roue qui se terminera jamais. Un engrenage de la mort. Mais comme tu dis, si, exemple, ta carte, tu as 1 000 dessus, mm-hmm. et tu sais qu'il y a de quoi qui s'en vient, qui ça sera pas beau, mais une marge de crédit, ça, c'est l'idéal pour okay. justement aller... tout prendre sur ta carte, mettre sur ta marge de crédit. Parce que mm-hmm. à taux égal, est meilleur, on va en parler tantôt, mais le taux de marge de crédit est toujours meilleur en plus que celui de la carte de crédit, puis ça t'offre plus de flexibilité, je vais en reparler. C'est plus difficile à avoir, non, une marge de crédit de nos jours? Oui et non. Ça dépend toujours de notre code de crédit, bien sûr. Mm-hmm. Puis les banques vont pas nous l'octroyer d'office. Ça veut dire qu'il faut en faire la demande. Ouais. Si vous en faites la demande, il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Ah, pas vrai. Il y a des bonnes chances, puis c'est un outil pour de vrai. C'est souvent notre première ligne de défense mm-hmm. en termes de fonds d'urgence. Fait que mm-hmm. je le conseille toujours. Fait que si, exemple, vous prévoyez changer d'emploi ou partir une business ou avoir un changement XY, mm-hmm. faites donc votre demande de marge de crédit avant parce que mm-hmm. après ils vont voir qu'il y a une instabilité. C'est vrai. Fait qu'ils vont pas vous le donner à ce moment-là. Okay. C'est vrai. Tu as tout à fait raison là-dessus. Donc, parce que d'aller, job, ça... comme on disait un peu la semaine passée, d'aller s'asseoir avec un conseiller ouais. financier puis de discuter de tout ça, c'est vraiment pas mal la solution. Vrai. Pas mal la solution. Mais faites un move quand ça va bien, mmh. parce que quand ça va mal, personne ne va vous aider. Mmh, sage conseil. C'est si bien dit. Mmh. On écoute ça. À la banque, moi, cet après-midi. On peut-tu les appeler en nom, attends, attends. Oui, exactement. OK, c'est blague. Ensuite, la durée de votre historique. Ça veut dire que si vous venez de vous prendre une nouvelle carte ou un nouveau prêt XYZ, ben c'est pas là pour donner une bonne cote. Par mm-hmm. contre, si vous avez une carte depuis 10 ans, justement, je conseille toujours d'avoir deux cartes. OK. une carte pour vos obligations courantes, puis une qui est en backup ou comme juste une in case. Mm-hmm. Puis celle-là, ben, vous ne l'utilisez jamais. Fait qu'il n'y a pas de risque avec. À la limite, je vous conseillerais de ne pas la garder dans votre portefeuille. Oui, c'est mm-hmm. ça, c'est chiant. Et puis, fait que si jamais vous la perdez, votre principale, vous avez un backup, mm-hmm. mais surtout que ça crée un historique. Fait que, ah, elle, ça fait 10 ans que vous l'avez. Fait que ça met de quoi de reluisant dans le dossier. Est-ce qu'il faut faire une dépense une fois par quelques années, mettons, pour au moins montrer que c'est pas. Tu vas au dépanneur deux, trois fois. Paye ton deux pièces. Au niveau des technicalités, je m'avancerai pas, mais. La théorie, c'est que c'est déjà juste le fait de posséder. C'est le crédit qui t'est disponible, qui t'a été octroyé et le crédit qui est utilisé, c'est ça qui va compter pour ta carte de crédit. Vrai. Parce qu'on s'entend que, par exemple, si on veut s'acheter une maison et tout ça, je pense que c'est un peu ce qu'on n'apprend pas peut-être au niveau du secondaire. Mm-hmm. Parce que si on veut s'acheter, par exemple, une maison plus tard, ça nous prend une cote de crédit. On n'a pas le choix. Fait que si on va chercher une carte de crédit puis qu'on la laisse toujours à zéro, on l'utilise jamais, ben on va l'avoir, notre cote de crédit, pareil. Oui, ça se bâtit. Mm-hmm. Mais il faut pas oublier que tous les facteurs sont en ligne de compte. Puis justement, aussi, il y a la variété des produits que vous avez. Fait que les différents types de prêts, emprunts que vous avez, fait en sorte que ça l'améliore. Mais toujours si vous les utilisez sainement. Mm-hmm. Ensuite, tu en as parlé tantôt, Mathieu, l'importance de vérifier son pointage de crédit. Mm-hmm. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des erreurs qui se glissent. Ouais. Des fois, il y a de l'usurpation, excusez-moi. Ça, c'est le vol d'identité. Exactement. Il peut y avoir plein de petites erreurs qui se sont glissées à votre insu, puis les banques, ils vont pas aller vous le dire. Fait que c'est toutes des petites choses qui ça prend le temps de vérifier. Mm-hmm. Puis aussi, tantôt, Tania t'en a parlé, mm-hmm. dernièrement, ça va être de rembourser vos emprunts stratégiquement. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les prioriser en ordre d'intérêt. Fait, si la carte de crédit, habituellement, la carte de crédit, c'est à l'entour de 19%, une marge de crédit, ça peut être à peu près tout dépendamment des institutions, mais juste, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que, dans le fond, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que notre cote de crédit va nous amener à avoir des meilleurs taux d'intérêt. OK. Des fois, tu sais, on dit « Ah, tu sais, ça va pas bien ma situation, blablabla, parce que je paye toujours l'intérêt trop élevé. Mm-hmm. » Mais c'est déjà en lien avec le fait que vous avez pas une bonne cote de crédit. Mm-hmm. Fait que si, dans le fond, vous allez chercher du crédit, exemple, une marge, ben là, ils vont regarder « c'est quoi votre cote? Mm-hmm. » Fait que là, vous avez une bonne cote, ben, on va vous donner des meilleurs taux. Ah. Fait que c'est comme une roue, ouais. Qui, dans le fond, t'as pas une bonne cote, t'as pas un bon taux d'intérêt. Fait que se sortir de ce cercle-là, ouais. Il est extrêmement difficile parce que moins que ça va bien, moins qu'on t'aide. Puis plus qu'on te met des bâtons dans les roues. Ouais. C'est ça, guys, je vous dis. C'est que il faut être vraiment vigilant avec ça. Alors, juste pour continuer avec le fait de rembourser stratégiquement vos emprunts, mais c'est exemple, vous avez un prêt personnel à 7, vous avez la marge de crédit à 5, vous avez la carte de crédit à 12. Puis souvent, on voit ça, il y a du monde qui ont un petit 10 000 dans leur compte de banque, fait 0%, on s'entend, mm-hmm. puis ils ont un 5 000 qui s'accumule sur la carte de crédit. Hello! Mm-hmm. Mais là, tout le monde va dire, ben oui, c'est normal. C'est non. On voit ça tout le temps. Là. Ça, c'est du traditionnel. Là. Fait, faites-moi pas comme, mais oui, on le sait. Non, faites-le. Là, ouais. T'sais? Ouais. C'est que vous prenez votre argent puis vous la donnez d'en face. Ouais, vous la gaspillez quand le vous. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était quoi ma première règle? Se payer soi-même. Oui, oui, oui, tout à fait. Se payer en premier, exactement. Je l'ai gardé en tête, celle-là. Oui, moi aussi, oui. Mais là, ici, c'est la carte de crédit, la compagnie qui vous remercie énormément parce que c'est elle que vous payez en premier et non vous. Ouais. Fait, c'est vraiment juste de prendre le temps, on s'assit, on regarde c'est quoi les différents taux d'intérêt, les échéances. Si vous avez justement l'accordé à 0% sur 24 mois, payez-la pas plus vite, là. Mm-hmm. Garder le. Pas besoin, c'est ça. Ben. Non, c'est à 0%. Mets l'argent sur les trucs qui sont en train de gaspiller de l'argent pour toi, comme ta carte de crédit où tu payes des frais. Exactement. C'est ça. Ah, ça a tellement de sens. Fait que payez pas vite le sofa, vous en bénéficiez déjà. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis aussi, comme on dit, si vous avez plusieurs dettes, est-ce que tu suggérais de payer pour. Si, mettons, tu vois tes dettes comme une montagne, de payer les plus petites cartes pour les fermer le plus rapidement possible, mettons. Plain, tu sais, genre. C'est pas pour fou. Pour que ta montagne ait l'air de descendre un peu. Vrai. Mais c'est vraiment au niveau de l'intérêt. Ouais. Fait que, tu sais, si, mettons, t'as la Canadian Tire à 12%, puis qu'il reste juste 1000, puis à côté, t'as la Master à 20. Mais c'est sûr et certain que c'est le fun quand tu vois quelque chose disparaître, mais priorise la 20%, parce que sinon, ton pattern, tu vas rester juste plus long dedans. Mm-hmm. Fait que, mets ça sur elle à 20%. D'accord. Des petites questions, les amis? Non, pour l'instant, là, ça va bien. Ouais, ouais. On va t'interrompre. Je suis en train de me dire... j'ai appelé mon conseiller financier, tout à l'heure. On avait la ligne ouverte tantôt. Ouais, c'est ça, exactement. Tant qu'à faire les appels. Excellent. Fait que j'ai quelques vrais ou faux pour vous. Oh, boy! T'as de la sonnette de ton bar. Mathieu Chérès, c'est pas bon. J'étais bien content quand je les ai faites, en plus. Ouais, en plus, bon. OK, je suis prête. Si je fais une avance, vrai ou faux, okay. Mm-hmm. Si je fais une avance de fonds sur ma carte de crédit, je vais commencer à payer l'intérêt à la fin du mois, en même temps que je vais recevoir mon relevé. Vrai ou faux? Ding, ding, ding. Moi, je crois, si je me rappelle bien, que c'est faux, parce qu'il me semble que l'avance de fonds va être payée à la toute fin. Il y a une question pas de chronologie, mais il y en a un qui est mis à la fin de l'autre. Tu vas payer sur quelque chose, puis après ça, l'autre va embarquer. C'est peut-être ça? Ou le contraire? Je pense que c'est pas chronologique. Ben c'est faux. C'est faux. Mais c'est du moment qu'on fait une avance. Exemple, j'ai besoin d'argent un soir, puis j'ai pas ma carte de débit, je prends ma carte de crédit. Mm-hmm. Je retire 100$. L'intérêt commence le soir même. Live, OK. Oh, mon Dieu! Ah, ben... Mais tu vois, c'est des petites choses que les gens savent pas. Ben ouais, hein? C'était pas expliqué, ça, à 18 ans. J'étais loin un peu. Deuxième question. Oui. Si, vrai ou faux? Si je dois 1000$ sur ma carte de crédit et je rembourse 999, je vais payer de l'intérêt sur seulement 1$. C'est faux? Colin, je la paye pas tout le temps à chaque mois. Il reste comme des fois des petites cents à la fin. Puis il me semble que je paye comme à peine quelques cents justement d'intérêt. Fait que ça doit être vrai que tu payes seulement les intérêts sur ce qui reste, non? Faux. Yes! Parce que je paye pas l'intérêt d'habitude, il me semble. C'est peut-être parce que je la paye au complet, je sais pas. Ouais. Sûrement. Ben, c'est que si, dans le fond, il y a deux montants. Ouais. Exemple, il y a le montant en cours. Oui, mm-hmm. Et le montant sur le relevé. Il y a le montant sur le relevé. Fait que si toi, tu regardes sur ta carte de crédit, exemple, tu dois 5 000 présentement, mais le montant que tu dois payer pour rembourser le mois précédent, parce que tu continues de faire des achats. Mm-hmm. Fait que c'est important de vraiment aller regarder le montant que tu dois pour le mois passé, mm-hmm. Puis d'aller rembourser juste le montant-là. Ah ouais. Puis, une autre petite affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'exemple, on dit il faut que tu payes le 23 mars. Mais n'allez pas le 23 mars envoyer l'argent sur votre compte en ligne à la carte de crédit. Faites-le le 20. Pourquoi? Parce que... Les jours ouvrables. Ben, pas juste ça, c'est juste le temps qu'ils reçoivent l'argent. S'ils le reçoivent une journée en retard, ben, vous allez payer les intérêts. On peut-tu se dire qu'en 2018, le temps qu'ils reçoivent l'argent, c'est de l'informatique, là, c'est des feuilles Excel. Sérieusement, comment est-ce qu'il peut y avoir un temps de traitement pour quelque chose qui est électronique? Moi, ça, je comprendrai jamais. T'as pas besoin d'avoir de réponse à ça. L'argent transfert bancaire, tu pourrais être très surpris. Je comprendrai jamais. Ça passe par des réseaux, là, sûrement. Là, ouais, hein? C'est ça. Arrête de chialer. Ils sont sur un modem 56K. Là, ben oui. 56, c'est assez avancé. Je pense que c'est du 14-4. Ah, ça se peut, 14. Baud. Ouais. fait les amis, très important de payer la totalité parce que même s'il vous reste juste 1$ à payer. Ok, je retiens ça. J'étais sûr qu'on pouvait en laisser un petit peu dessus. Question 3. Ouais. Mm-hmm. En voyage, il est mieux d'aller dans une institution bancaire pour changer de l'argent que de payer avec sa carte de crédit. À l'étranger, en voyage, mettons. Okay. Dans une institution bancaire, en voyage, tu veux dire. Ou avant de partir. Avant de partir, par exemple. OK. Je vais dire que c'est faux. Moi, je vais dire que, et là, je me rappelle pas lequel qui est le vrai puis lequel qui est le faux, mais je dirais que c'est plus avantageux de passer par ta carte de crédit que par ta banque, parce que les banques sont là pour te foutre. Ouais, c'est ça. ben, c'est faux. OK. Fait qu'on avait raison. Qui a raison, hein, c'est nous autres. Non, c'est pas vous. Ah, mon Dieu. C'est mieux d'aller à une institution bancaire, mais l'idéal, c'est d'aller dans une place de changement de devise au Canada, parce que c'est sûr et certain que là-bas, eux, ils ont le beau jeu, parce qu'ils vous voient arriver à grands coups de sabot. Mm-hmm. Fait vraiment d'aller... Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un currency exchange, je me rappelle, une place pour... Centre d'échange de devises. Ouais, exactement. Exactement. Aller à votre institution, puis des fois, vous pouvez peut-être négocier un petit peu avec la banque. Ah oui. Sinon, c'est sûr qu'en dernier recours avec la carte de crédit, mais la carte de crédit est quand même un petit peu gourmande parce qu'elle okay. sait que... Ouais, c'est ça. Ok, j'aurais pensé qu'il y avait plus de protection. Puis elle va faire la conversion aussi. Aussi. Vrai, oui, c'est ouais. ça. Ok, d'accord. Question 4, on l'a déjà un petit peu répondu tantôt, c'est gratuit de consulter son dossier de crédit. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Faut des fois chercher, parce que j'ai cherché les prix un petit peu pendant que tu parlais tantôt, je m'excuse. Mais c'est ça, c'était 16,95 versus 19,95, donc 20$ chez Equifax, 17$ chez TransUnion. Mais ils ont des façons gratuites, c'est juste qu'ils sont cachés, petits caractères. Mm. Faut que tu cours un petit peu après les informations. Mais oui. Ils te vendent ça en premier, en gros marketing, c'est ça la trappe. Fait que c'est juste une fois, c'est ça? Ça, c'est mensuellement, ça. Mensuel? Oui, c'est ça. OK. Ouais, malheureusement, mais c'est ça. Il y a d'autres façons de faire, c'est qu'il faut les chercher. OK. Je vois mais pas pourquoi là. Tu aurais besoin de ça tous les mois. Mais... Oui, c'est un abonnement. Ça doit être pour que les gens y retournent chaque mois. Un internaute qui voudrait obtenir une seule fois sa cote peut facilement se retrouver avec l'abonnement sans le vouloir quand tu fais pas attention. Faites attention. Ouais. Ensuite, question 5. Ouais. Mm-hmm. Le crédit est comme un sac de chips. Vrai ou faux? Attends une minute, là. Okay. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que tu peux piger dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air, pas beaucoup de chips. Oh! Ouais. J'aime ça. J'étais bien content quand je l'ai écrit. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu ouvres un sac de chips, qu'est-ce qu'on fait? T'arrêtes pas d'en prendre dedans. Exactement. C'est ça. Fait que le point ici que je voulais amener de l'avant, c'était ouais. l'importance de se connaître. Mmh. Mmh. On apprend à se connaître avec le temps. Exactement. Oui. Ouais. C'est là que tu te mets dans le genou. Des fois, il est trop tard, mais il faut savoir mettre des freins. Exemple, ouais. on le sait qu'on va passer à travers le sac. Bien souvent, on n'en achète pas. Ouais. Ou un plus petit sac. Exactement. Ouais, exactement. Un petit 100 grammes, là. C'est ça. Les formats Halloween. Ouais, exactement. Une petite carte de crédit de pas grand piastre, ça existe-tu encore? Ouais, parce qu'il ça. Me semble que tu as un minimum de carte de crédit. Tu peux pas aller en bas de quoi? C'est genre, j'ai l'impression, 1000 au moins. Ben non, des 500, ça se voit, ça mais c'est. Tu sais, souvent, la carte de crédit, ils vous l'augmentent automatiquement, comme qu'on parlait tantôt. Mais moi, je les appelle. Exactement. Pour justement. Quand qu'on sent qu'on n'a pas de tout besoin, puis on se garde toujours une limite pour les imprévus, t'sais, si jamais on a de besoin. Mais c'est correct de les appeler puis la baisser, puis c'est sûr qu'ils vont vous poser des questions. Pourquoi? Mais pas de tes affaires. Merde. C'est correct marrant. D'appeler puis de la baisser. Mais baissez-la pas trop, parce que comme tu as dit tantôt, il faut que le pourcentage d'utilisation soit faible. Fait que si tu as une carte de crédit à 500$ puis tu te sors de 350, 400, 450, t'es rendu à un pourcentage vraiment élevé, non? Oui, mais en même temps... Si tu la payes à tous les mois, ça n'a pas d'impact. C'est plus par rapport à l'utilisation qui va rester dessus. OK, parce que quand tu as du crédit, c'est ça. OK, exactement. Cool. J'aime ça. C'est sûr et certain que quand je les écrivais, bon, j'avais d'autres petites idées qui passaient, mais ça avait rapport aussi avec le crédit. Alors, question 6. Je devrais payer rapidement ma maison. Hey boy! Tu devrais payer. Ben, si tu peux, j'imagine que ce serait une bonne chose. Ding ding, c'est faux, c'est pas une hypothèque, t'as payé tout le temps. Mais une fois que mettons, t'as de l'argent. Tu parles du prêt hypothécaire, genre. Oui, vrai. Okay. Si t'as de l'argent en trop, mettons, tu viens de gagner à la loterie, hein, tu pourrais payer ta maison au complet, puis ce serait une bonne affaire, il me semble, que je dirais vrai, non? Ça dépend du prix de ta maison, là. Ouais. C'est partagé, OK? C'est sûr, ici, on va toucher des différents courants de pensée. L'idéal, ce serait de ne pas la payer rapidement. OK. OK. Ben, bravo, Tania. Par contre... Je suis bonne dans les vrais faux, mais... C'est sûr qu'il faut la payer. Quand je dis rapidement, c'est la payer plus rapidement que le paiement de base. OK. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est sûr que présentement, on est dans un contexte où ce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Mais le point ici que je veux amener, c'est que, dans le fond, ce qu'on oublie, c'est que le crédit, c'est un bel outil. Pourquoi? Parce que ça te donne accès à des choses que tu n'aurais pas eues sinon. Mm-hmm. Et dans le fond, si tu veux un auto, puis tu ne l'as pas, le 50 000, ben, tu peux partir avec l'auto. La maison, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est pas vraiment une dette, une maison, parce que c'est un effet, c'est un effet de levier. Ouais. Parce que on va à l'institution financière, on dit, regarde, moi, j'ai 20 000, qu'est-ce que je peux acheter? T'sais, on dit, ah, ben, vous pouvez avoir cette belle maison-là de 400 000. Ah ouais, cool. Mais combien de temps ça aurait pris à accumuler cette 400 000-là? Mm-hmm. Fait que dans le fond, avec 20 000, on peut acheter une maison de 400 000. C'est 5 % là, la mise de fonds minimum. Ouais. Je vous dis pas d'aller acheter au-delà de votre budget, mais dans le fond, ce que je dis, c'est que le crédit, bien utilisé, c'est un très, très bel outil. Mm-hmm. Okay? C'est juste qu'on sait pas comment l'utiliser. Ouais. Pour ce qui est là, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'écoutez. Puis pour la maison, je vais revenir tantôt. Ah oui, certainement. Prochaine question. À taux égal, la marge de crédit n'est pas plus avantageuse que la carte de crédit. À taux égal, la marge de crédit. Je vais dire que c'est vrai et je vais justifier ma réponse sur une discussion que Mathieu et moi, on a eue la semaine passée. Rappelle-toi que Mathieu dit souvent n'importe quoi. Oui, je sais. Mais ta marge de crédit ne te redonnera pas certains avantages que ta carte de crédit c'est fait. Vrai. C'est ça. Toi, ça, c'est un petit point que j'avais pas pensé. Mais ouais. Oui, t'as 1% de retour. OK? Par contre, la réponse, c'était faux. Okay? Et misère. C'est que la marge de crédit, c'est un outil très flexible. Je m'explique par là. Si la carte de crédit, c'est sûr et certain, ils vont vous dire le paiement minimum est de seulement 14,82. Mais si vous faites ça, on vient de l'expliquer, vous allez devoir payer la pactole. Ouais. Okay? Mm-hmm. Sur la marge de crédit, vous pouvez rembourser uniquement les intérêts. Oh! OK, attends un peu. Ah, hein, ouais. Exactement. T'as pas besoin de tout le temps la remettre à zéro parce que tu pourras pas la mettre à zéro parce que c'est un gros montant, souvent, d'habitude. Mais ensuite, la marge de crédit, c'est un taux annuel. Ça veut dire que, exemple, que j'ai 10 000, je rembourse 1 000 dessus à 10 % d'intérêt, mais je vais payer 80 $ ce mois-là. Mettons, je mets 1 000 dessus, le prochain mois, je vais payer juste sur 9 000. Ah, OK. C'est donc le fun, ça. C'est tentant, mais Caroline... Mais encore là, un outil à deux tranchants. OK, comment? Si on rembourse juste l'intérêt tout le temps... Ça finira jamais. Exactement. C'est ça, il faut que tu te mettes des paiements pré-envoyés. Alors que, ou mettons, que tu y penses, tout simplement. Ça, tu y penses. Parce que moi, ce que j'aime bien, tu sais, je sais que je vends quelque chose que je devrais pas vanter, mais ma consolidation de dette, j'aime le fait que les paiements se prennent tout seuls. J'ai pas à les faire moi-même. Mm-hmm. Et je peux pas les annuler. J'ai pas le droit à les annuler. Si j'ai le droit à genre une fois dans l'année, je sais pas trop quoi. T'sais. Alors qu'une marge de crédit, faut que tu programmes toi-même. Et là, tu pourrais être tenté à dire, OK, ce mois-ci, je ferai pas le paiement au complet parce que j'ai une mauvaise passe. T'sais. Alors qu'une consolidation, tu peux pas faire ça. Fait que c'est ça, une marge de crédit, c'est toi qui la paye. Exact. Mm-hmm. Pensez-y bien. Oui, en effet. Mais ça s'en vient à mon autre point de tantôt, de bien se connaître. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis... Mais au-delà de ça, cet outil-là est vraiment merveilleux parce que ça vous donne la liberté d'agir selon ce que vous êtes capable de faire. Mm-hmm. Fait que si un mois, tu es capable d'en mettre plus, boum, t'en mets plus. C'est ça. Puis l'idéal, c'est de la finir le plus rapidement possible. Mais une marge de crédit, si vous avez des projets et tout, bien, toujours en fonction du taux, ça peut être utile. Mais si, exemple, ça fait 5 ans que vous avez une marge de crédit puis c'était pour des dépenses de consommation... Bien, payer une épicerie sur 5 ans, ça fait long parce que l'épicerie, théoriquement, vous en faites une à chaque semaine. Ouais, c'est ça. Fait, tu sais, exemple, vous dites, OK, j'achète un voyage avec ma marge cette année. Dans le fond, dites-vous, OK, je vais la payer en 1 an, ça revient pas trop cher, mais il faut être sérieux dans son utilisation. Mm-hmm. Si ça, à chaque votre voyage de chaque année, vous le mettez sur la marge parce que vous dites, je suis sérieux, j'ai 10 000, dans le fond, j'ai 10 ans de voyage, puis vous payez juste les intérêts, mais à un moment donné, ça va quand même faire un mur. Il faut faire attention. OK. Et ma dernière question, on a peut-être déjà un petit peu répondu aussi, mais est-ce qu'on peut épargner et payer ses mauvaises dettes en même temps? Est-ce qu'on peut épargner et payer ses mauvaises dettes en même temps? Dépendant de ton salaire, mais j'imagine que tout est possible. Si tu te payes en premier et qu'ensuite tu payes tes dettes et après ça, t'es con. Ça? Ça dépend de ta paye. Ça dépend tout le temps de ta paye. Mais ici, j'ai... C'est pas ça qu'on a dit la semaine passée. Ouais, c'est ça. J'ai précisé mauvaise dette. Okay? mauvaise dette. Fait que c'est sûr, les mauvaises dettes, ça, c'est la priorité. Parce que, exemple, qu'on épargne, on va épargner. Mettons qu'on... c'est une épargne à moyen terme, on va, mettons, avoir du 5-6%. OK? Mais une mauvaise dette, c'est à 20. Ben, mettons 15 et plus. Ça veut dire que notre taux, il est priorité sur la mauvaise dette. Par contre, si on parle des bonnes dettes, comme l'hypothèque qui est à, mettons, 3,5 présentement, ou une marge à 4, 5 ou 6, mais aller chercher un meilleur taux de rendement dans ses épargnes, c'est beaucoup plus facile. Alors, du moment que les mauvaises dettes sont payées, mais commencez à épargner, parce que je vais vous l'expliquer aussi un petit peu tantôt. Ça va être très important de commencer à le faire, d'épargner tôt. Okay? Parce que la magie de l'intérêt composé va venir en ligne de compte. Là. Mm-hmm. Pas nécessairement dans votre petit compte Desjardins Junior. Non, c'est ça, exactement. Par rapport à ça, pour les cartes de crédit, ce que je voulais terminer, c'est, dans le fond, traiter votre crédit comme votre meilleur ami. Puis quand vous allez avoir besoin de lui, il va être très reconnaissant. Ah, oh, j'aime ça! C'est si bien dit! C'est beau! Je veux pas avoir grand ami! Je m'en vais! Ouais, on va travailler là-dessus! Puis aussi, Mathieu, tantôt, t'en as parlé quand que les compagnies nous envoient des... Oui! Fait, juste se rappeler que les compagnies de cartes de crédit puis institutions financières, ils font jamais de cadeaux. Ils sont pas là pour être tes amis. Non. Comme un bon. Non, mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, là, puis je vais le dire. Ouais, dis-le. C'est cette fameuse carte là qu'on t'envoie là, qui te Capital, dit bon, Capital. Pour ne pas la nommer. C'est ça. On a établi le fait que c'était Provincial 2. Là, c'est ça. Et brune, bleue et rouge, là, mettons. Là. Avec un crochet. Qui c'est qui a dit que je manquais d'argent? Très bonne question, mais je pense que c'est random. Ah, rien. Ah ouais. Ils sont juste c'est vraiment drôle, hein? Il m'envoie tout le temps une couac que je manque d'argent. Moi aussi. Ça, c'est en fait, sûrement que tout le monde manque d'argent. Fait, finalement, monde nos institutions bancaires, c'est comme Facebook. Ils donnent nos informations. Ouais, peut-être, mais je pense que c'est plus qu'ils l'envoient tout le monde. OK. Puis des fois, ils frappent. Ah. Ouais. C'est comme une publicité à TV. Tu dis, coudonc, ils l'ont passé pour moi. Ah non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu reçois ça aux semaines. Ouais. Après ça, c'est au mois. Puis là, à un moment donné, t'en reçois plus quand ça va bien. Fait que tu te demandes, c'est quoi le problème? Ben, théoriquement, ils n'ont pas accès à ton dossier de crédit. OK. À moins que tu aies déjà eu des choses avec eux. Mais encore là, je pense pas qu'ils vont consulter parce que ça a besoin de ton autorisation. OK. C'est ça. Fait que c'est vraiment random. Exactement. OK. Une petite carte de carton mou pour du crédit. Hey, hein? C'est vous. C'est bien dit. Oh boy. Bon. Maintenant, j'allais passer à comment bien utiliser le crédit. Ouais. Mm-hmm. Fait que dans le fond, le crédit, ben ça j'en ai un peu parlé, nous donne accès à avoir un bien ou un service sans avoir l'argent. Alors, ma génération est vraiment chanceuse. C'est notre génération, on peut dire, je pense. Ouais, ouais. Ouais, mettons. J'suis un fan de millennium. C'est ça. Ouais, ouais. Vous êtes toutes dans la même catégorie. Toutes dans la même catégorie. Ouais, exactement. Mettons. Pourquoi? Parce qu'on a accès à des taux d'intérêt d'emprunt historiquement ridiculement bas. OK. OK. Et puis, il faut en profiter intelligemment. Fait que la plupart des gens qui sont libres financièrement aujourd'hui ont eu une gestion agressive de leurs emprunts. Mm-hmm. Okay? C'est que, je m'explique, c'est qu'on a accès à de l'argent, mais si vous l'empruntez intelligemment, vous pouvez faire des meilleurs moves avec cet argent-là. C'est sûr et certain, il y en a qui vont dire... bon, on se casse la tête. Non, ça peut être investi dans des choses que vous aimez. Mm-hmm. C'est juste que ces gens-là, ils ont compris qu'avoir des bonnes dettes est la meilleure façon pour croître puis faire grandir sa valeur nette. Mm-hmm. OK? Et puis, de l'autre côté, il faut être agressif et intelligent sur les emprunts, mais en même temps, il faut être conservateur dans notre stratégie d'investissement pour faire accroître sa valeur nette. Fait, exemple, si vous investissez dans des salons de bronzage, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Okay? Pourquoi? Ben voyons. Tout le monde va se faire bronzer, voyons là. Oui, non, c'est sûr. Que le président américain. C'est ah oui? Il est orange. Ouais. Après, moi, c'est du fake tan, c'est de la petite crème. Mais ils font pas ça des salons de bronzage, du fake tan? Ah, je sais pas. Je sais pas. Puis aussi, dans les règles d'investissement, c'est... Puis là... Mes amis Buffett et Jerry Slowski sont d'accord avec moi. Il ne faut jamais être spéculatif. OK. Qu'est-ce que ça veut dire être spéculatif? Ouais, c'est ça. C'est dans le fond de tenter de tirer profit par anticipation d'une évolution d'un prix. Mm-hmm. Fait que prévoir que quelque chose va changer. À la hausse, bien sûr. Mettons, ouais. Exactement. Fait que, exemple, on peut investir dans l'immobilier à revenus. On peut investir dans des investissements, dans des fonds, des FNB, des actions. Ça peut être dans des achats d'entreprises ou dans le fond, tout investissement qui vous rapportera plus à court, long terme que le taux de rendement que vous payez, dans le fond. Mm-hmm. Est-ce qu'on On commence à être sur la fin de cette chronique-là, okay. Malheureusement, mais il nous en reste encore ben des oui. chroniques. Donc, on va continuer ça la semaine prochaine avec toi, Philippe Fournier, qui, je le vois, a plein d'informations à vous dire. Mais c'est important. C'est très important et on écoute vraiment fort et même que je pense qu'on va faire comme la semaine passée écouter la rediffusion de cette chronique. Oui, en effet, de bien saisir. Sur repeat. C'est ça. Philippe Fournier, conseiller financier et autres ici à Assemblage Requis. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. C'est jeudi matin à 7h30. Merci beaucoup. Bonne journée. après la pause, il se fait gêner. Mathieu Janvier, ben il s'en vient. Il était gêné dans le corridor. On va le retrouver après la pause pour sa chronique Jeux de société. Restez là. We'll be right back. down the river. See your soul, feel its sway. Hear the world screaming, listen your name. Makes it seem like nothing could hear you. You fall back off the ledge, your mind's eye. You can see how you land, and that's the difference. Now proceed calmly to the edge of your road, a narrow way that is leading you home. When I hear my soul, when I hear my soul, when I hear my soul, when I hear my soul. You feel your shoulder tightening, so you need and sway. If you're made of stone, then turn into clay. Wash away my body, I don't need it. I start moving slowly, glisten and hurt. Amelia's a note for me, I'll leave it a day. A precious secret like a bird inside a vest. Wings won't mend, so I hope never can. It doesn't speak, it just sings till it burns. And I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul, and I hear my soul. Only placement in the angels frees me. Then why can't it please me? Why must my dirty skin be hot when you come near me? Must remember to dance alone at night. Keep the profane in the light. I have only got this life, and it merits this. It merits this. We'll be right back. cambre. Après avec Amy, ruine sur Télécombre, assemblage requis. Maintenant, ben, c'est enfin le moment d'accueillir Mathieu Janvier qui est avec nous pour parler de jeux de société. Salut Mathieu Janvier. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui. Oui, ça va bien. Content de te voir. Oui, moi aussi. Comme toujours. Et je vois que tu t'es bien équipé aujourd'hui. Je pense que tu as amené plus de jeux que jamais auparavant. Ah ben, cette beaucoup. Semaine, j'ai essayé d'aller dans, de choisir des petits jeux pour ce dont je vais parler. Mm-hmm. Donc... Ça, c'était pas spé. Pas spé. Les gros, la semaine passée, il y avait des plus gros, je trouve. Ouais, ouais. C'était le sac qui était plus lourd. Aujourd'hui, si je me rappelle bien, on parle de mécanismes de jeu. Exact. C'est ça. Puis, on va voir si je suis capable de faire ça en une semaine ou sinon, ben, on va continuer la semaine prochaine. Ah ouais. Ben, ça dépend, là. Tu sais, j'aime ça m'attarder sur les jeux parce que le but, c'est d'en parler. Ben oui. Fait que ça me sert d'exemple. Mm-hmm. On va voir. On verra. On va t'écouter, ça c'est sûr. Donc, pourquoi on parle de mécanisme de jeu? Dans le fond, tu sais, quand on joue à un jeu, là, mettons, on pense au Monopoly. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Quelles règles reviennent souvent dans le jeu? Mettons, rouler les dés, avancer. Ouais. Mm-hmm. En anglais, on appelle ça roll and move. Ouais, OK, oui. Donc, c'est un mécanisme que des fois, on peut retrouver dans d'autres jeux. La grosse barre. Échelle. Ouais. Ouais. Le jeu de trouble, à la limite. Ouais, là, t'sais, le dôme là, oui, qu'on oui, fait oui, sauter. Oui, tout à fait. C'est ça. Ce mécanisme-là, ben, vu qu'il revient, ben, il y a comme un nom parce que pour le définir. Roll and move. Quand on parle de jeu de roll and move, ben, on sait de quoi qu'on parle. Mm-hmm. Ça va être quoi le jeu, on sait à quoi s'attendre. Donc, c'est à ça que servent d'avoir des noms de mécanismes, c'est pour réussir à comme, définir les jeux en quelques mots. Aussi, si, mettons, on parle d'un jeu, puis on me dit « Ah, ça, c'est un jeu de bluff », ben, si je sais que je n'ai pas aimé des jeux de bluff, ben, je sais que j'aimerais peut-être moins ce jeu-là. Okay. On va parler, j'imagine, de jeux de bluff plus tard? Oui, ouais, on va tous les aborder, bien sûr. Donc, je vais commencer par parler du placement d'ouvriers. Le placement d'ouvriers. Oui, c'est bizarre, en anglais, ça va souvent, je vais souvent nommer le terme anglais parce que c'est souvent comme ça qu'ils sont connus. C'est le worker placement. OK. C'est probablement mon mécanisme préféré, là, ou en tout cas parmi mes préférés, ça c'est sûr. Là. Ouvrier comme dans un travailleur. Oui, parce que souvent, c'est des jeux dans lesquels le thème, on envoie des ouvriers, des bonhommes faire des tâches. Mm-hmm. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait parlé d'Agricola, dans lequel on avait chacun notre ferme. Mais c'est un jeu de placement d'ouvriers, nos petits bonhommes qu'on a, nos petits fermiers. Ont une tâche bien précise. On les envoie, mettons, sur une case où il y a l'action de ramasser du bois. Bon, ben mon ouvrier est allé ramasser du bois, etc. On a toutes des cases comme ça, qu'on fait différentes actions. Souvent, dans ces jeux-là, donc, on va placer les pions sur différentes cases, sur différentes actions. Et à la fin, une fois que tout le monde a placé les pions, on va les reprendre et on est prêt pour le tour suivant. Mais il va y avoir toutes sortes de variations. Parce qu'un jeu ne va pas nécessairement juste faire les choses classiques comme tous les autres. Il va varier un peu sur le fonctionnement. Donc ici, j'ai amené Les Piliers de la Terre. Mm-hmm. C'est un jeu qui est inspiré du livre de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Mm-hmm. Pillars of the Earth. Exact. Notre ancien chroniqueur financier connaissait très bien le jeu en passant. Oui, oui, il semblait reconnaître ça. Il est arrivé, donc, il a fait « Je connais ça ». C'est le fun parce que dans cette série de livres-là, il y a trois jeux. Les trois ont été faits en board game. Okay. Le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. Les Piliers de la Terre, c'était le premier. Ça fait quand même 12 ans là, qu'il existe. Oh, là. Fait que, oh OK. Ouais, il y a du vécu, mais je pense qu'il continue d'être édité de temps en temps, là, réimprimé. Donc, dans ce jeu-là, on a comme deux fois du worker placement. Ouais. Il va y avoir des cartes avec des ressources disponibles. Des petites cartes. Ouais, des petites cartes. Fait que là, mettons, ici, ça dit forêt, deux bois, puis ça prend trois bonhommes. Moi, j'ai ma réserve d'ouvriers, des petits bonhommes en rouge. Bois. Ouais, dans ce cas, c'est rouge. Des meeples encore. Oui, oui, de formes différentes, mais toujours des meeples. Donc, il va y avoir les cartes disponibles, et moi, je vais choisir... Quelle carte je veux prendre à mon tour? Mettons, je veux cette sablière-là. Ben, elle demande quatre bonhommes. Bon, okay. Ben, ça prend quatre de mes bonhommes. Je vais les mettre dessus. Mais je vais obtenir le trois sables. Fait que je vais prendre mes ressources, je vais mettre ça de côté. Mm-hmm. Puis là, ben, je vais pouvoir utiliser ces ressources-là pour faire d'autres choses. Les sables étant les petits cubes de d'autres couleurs, c'est ça? Oui, okay. Il y a du sable, de la pierre et du bois. Ils sont évidemment beige, gris et rouge. Donc, on va, dans un premier temps, ramasser ces ressources-là. Mm-hmm. Après, dans le jeu, ben, on peut dépenser les ressources pour utiliser des artisans qui vont transformer le bois en point de victoire, là, directement faire des points. Okay. Mais il y a une autre phase pour les différentes actions où un joueur, le premier joueur, va piger dans le sac. Là, c'est un sac noir de magicien, on dirait. Ouais. Ouais, ouais, dans l'intérieur, ça. Il y a des, ce qu'ils appellent des maîtres bâtisseurs. Okay. Donc, c'est un autre genre de pion. Qui ressemble à une poivrière, mais OK. Ouais, ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Ça ou un jeu d'échecs. Et ouais. Le joueur va devoir décider s'il veut jouer son pion ou non. Comme là, c'est le joueur jaune. Mm-hmm. Donc, s'il veut jouer son pion dans une des actions du plateau, ben, il faut qu'il paye le 7 pièces qui est là. Ouh, OK. Ah. C'est cher à payer. Là, on n'a pas beaucoup d'argent dans le jeu. S'il décide de pas le faire, ben là, on met son pion ici et on passe au pion suivant. OK. Donc, lui, il paye pas le 7, mais éventuellement, à force que le monde passent leur tour ou payent pour placer leur pion, ben là, le prix va diminuer et à un moment donné, ben ça va revenir au joueur dans l'ordre qui avait été pigé, mais ça va coûter zéro. Et là, je veux que tu passes une petite rondelle qui est un genre de cylindre, si on veut, qui est pour signaliser là où on est rendu dans les... Ouais, dans les coups, ça fait penser à un vieil ascenseur. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, le haut de l'ascenseur. Comme ça, ouais. Ouais. Et donc... c'est ça, on va pouvoir payer pour placer nos pions si on veut vraiment faire des actions. Mm-hmm. Parce qu'il y a une question dans les jeux de placement d'ouvriers, il y a toujours une question que si moi je vais sur une action, ben les autres peuvent pas la faire. Oui. Dans la plupart du temps. Mais il y a toujours des variations. Dans certains jeux, les ouvriers vont être remplacés par des dés. Mm-hmm. Je vais parler... Je l'ai-tu amené? Non, il y a par exemple Marco Polo. Oui, ouais, je l'ai oublié. Marco Polo, dans ce jeu-là, à notre tour, au début de la manche, on va rouler les dés et après, on peut placer les dés sur différentes actions. Mais les valeurs des dés ont une influence sur la puissance de notre action, mais aussi sur combien ça va me coûter. Fait qu'on a des variations où les ouvriers pourraient être des cartes aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement un pion en bois. Ça peut être plein de choses. Ça pourrait être une figurine de plastique si le jeu voulait faire un placement d'ouvriers avec des figurines toutes détaillées, là. Mais ça serait possible. Ouais. Donc, ça, c'était les piliers de la Terre. Ouais. Un autre mécanisme, le draft. On a déjà un peu abordé. On avait dit un petit peu. Hein. Ouais, mais c'était le principe de piger, d'avoir une main de carte, d'en choisir une, de passer les autres. Ouais. On avait vu Seven Wonders, qui reste comme probablement un des plus populaires. On avait vu brièvement aussi Blood Rage, qui était le jeu de Viking. Oui, Les petites cartes, oui. Ouais, un peu plus gros. Fait que là, pour présenter autre chose, aujourd'hui, j'ai amené Notre-Dame. Donc, je vais juste montrer le principe de draft, là, sans expliquer tout le jeu. Mm-hmm. Mais le principe du jeu, c'est que on va avoir chacun notre quartier de Paris. OK. Et qu'il y a plusieurs... Ben, c'est bizarre, là. On a chacun un morceau de ville, puis dans la ville, il y a plusieurs quartiers. C'est comme un genre de morceau de carton qui représente un bout de la ville. Ouais. T'en as trois grands morceaux. Et ben là, j'ai mis trois parce que, mettons, pour trois joueurs, mais on peut jouer jusqu'à cinq, le plateau va être plus grand. Au milieu, il y a Notre-Dame. OK, le triangle. Ouais, petit triangle, mais ça va être un carré, mettons, si tu joues à quatre. Mm-hmm. On a chacun notre côté. Dans le jeu, chaque joueur va avoir neuf cartes. De grandeur normale, cette fois. Oui, qui vont représenter les différentes parties de son quartier. OK. Et chaque carte correspond à une action différente. Donc, à chaque manche, on va piger trois cartes. Et là, je vais choisir une de ces cartes-là que je vais garder. Et je vais passer les deux autres à mon voisin. Mm-hmm. Mais la particularité de ce draft-là, c'est que ces cartes-là, mettons, chaque joueur commence avec son paquet de neuf cartes identiques aux autres joueurs. Donc, mettons, moi, je choisis l'action de l'hôpital ou de la banque. La banque, bon, mettons, bon. Je l'ai pas, là, mais la banque. Ouais. Le joueur à ma droite, il me passe des cartes et lui, la banque, il l'avait dans ses mains, mais il la voulait pas. Mm-hmm. Ben moi, j'ai le droit de la prendre une deuxième fois si je veux. Okay. Et là, à chaque fois que je vais jouer mes actions, ben je vais pouvoir, mettons, la banque donne de l'argent dans le jeu. Si je la joue une fois, elle donne une pièce. Si je la joue une deuxième fois dans la partie, elle va me donner deux pièces. Quand je la joue une troisième fois, elle donne trois pièces, ainsi de suite. Fait que plus qu'on fait une action, plus qu'elle devient intéressante. Dans le jeu, il y a aussi une question de la peste qui ravage... OK, ça se passe à une certaine époque, là, ça. Oui, ça se passe au temps de la construction de Notre-Dame, je pense. En tout cas, dans le temps de Quasimodo. Ah oui, c'est ça, j'allais dire! Oui, ouais, c'est un peu c'est pas cet Disney, univers-là. Non, pas tant, mais c'est quand même cet univers-là. Ouais. Donc, il y a une question de peste qui va ravager notre quartier et on peut aussi faire des actions d'hôpital pour baisser le niveau de peste. Là. Okay. C'est juste une échelle ici. Là. Mais si on s'en occupe pas, ben là, le monde commence à mourir dans notre quartier. Mm-hmm. Ça réduit notre puissance. Le but, c'est de faire le plus de points. Il y a toutes sortes de façons de faire des points, là, comme d'habitude. Ouais. Mais le petit draft, qu'on peut avoir des actions identiques parce qu'on prend les cartes des autres joueurs, ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. Et la façon que le jeu est construit aussi, ça a l'air bien de pouvoir s'adapter à plusieurs joueurs. Oui, c'est ça. Il est comme modulaire. Puis il y a des. Ici, là, dans les différents quartiers, sur les cases, il va y avoir des jetons. Puis on peut se promener dans les quartiers. C'est sûr, si on a un plateau plus grand, c'est plus dur d'aller partout. Mais. Très intéressant aussi. Notre-Dame, ouais. Un autre jeu, on est encore dans les principes de cartes. Mm-hmm. C'est les deck building. Oh, OK. Donc, je pense qu'on n'avait pas vraiment parlé. Ça me dit rien. Ça n'a pas rapport avec le deck hockey, ni un non diplôme d'études collégiales. Ni construire un deck dans ton passé. Non plus. Mais dans le fond, on avait parlé de Magic. Oui. Donc, dans Magic, on construit notre deck avant de jouer. Oui, mm-hmm. Le deck comme un paquet de cartes, dans le fond. Oui, deck, un paquet de cartes, ouais. Donc, construction de deck, mais là, le terme est vraiment resté là, comme... Mm-hmm. Le principe d'un paquet de cartes de jeu, mais qui n'est pas juste un paquet de cartes françaises. C'est facile d'avoir un mot que genre de le décrire en français. Exact. Ouais. Ouais. Donc, en 2008, si je me trompe pas, est sorti Dominion, que j'ai ici. Donc, dans ce jeu-là, on va avoir toutes sortes de cartes. On commence avec 10 cartes dans notre deck. Est-ce que c'est juste des cartes? Parce que je vois la c'est boîte... C'est juste des cartes. C'est ça, c'est vraiment des cartes. Dans certaines extensions, ils ont rajouté des jetons pour, mettons, compter certaines monnaies temporaires ou des points temporaires, là. Mais oui, c'est vraiment un jeu essentiellement de cartes. On va commencer avec juste 10 cartes dans notre paquet. Et il va y avoir tout un ensemble de cartes sur la table qu'on peut acheter avec nos cartes de départ et les rajouter à notre deck. Et après, on va éventuellement les repiger. Mm-hmm. Et on va pouvoir améliorer notre paquet pour éventuellement acheter des points. Donc, Dominion, c'est un peu un thème médiéval fantastique. Mais il y a eu d'autres variations comme Thunderstone, qui est un jeu dans lequel, même principe, on achète des cartes. Mais là, ça va être comme si on était un groupe d'aventuriers puis on s'en va dans un donjon. Donc, quand on achète des cartes, ça va être des magies, des armes, des alliés. Et quand on va dans le donjon, il y a des monstres, puis il faut avoir pigé les bonnes cartes pour être capable de le vaincre. Des fois, il y a des effets qui nous permettent de piger des cartes supplémentaires. Donc, lui aussi, très intéressant. Et il faut aussi noter que le deck building, le mécanisme, n'est pas... Mettons, dans Dominion, c'est le mécanisme unique, là. Mm-hmm. Mais dans certains jeux, maintenant, c'est une partie du jeu. OK, il agence ça avec d'autres styles de mécanisme. Par exemple, là, j'ai en tête Mage Knight, qui est quand même un très gros jeu d'aventure. Mais ça se passe avec un petit paquet de cartes qu'au début de mon tour, je pige. C'est ça qui décide mon déplacement. Si j'attaque, quelles attaques que je peux faire. Quand je réussis à battre un monstre ou je réussis une quête, un événement, je vais gagner des cartes que je rajoute à mon deck qui sont plus puissantes que celles que j'avais au début. Mm-hmm. Donc, c'est aussi un principe de deck building. Puis dans des petits jeux, mettons Star Realms, c'en est un où on a une ligne de cartes au milieu. Donc, on peut acheter dans ces cartes-là et la carte va être remplacée. Donc, au lieu d'avoir, comme dans Dominion, les cartes, c'est statique. Là. Une fois qu'elles sont là, elles sont toutes là. Dans Star Realms, il va avoir des opportunités qui changent tour par tour. Hmm. Fait que très intéressant, mais c'est essentiellement un jeu de joueurs, là, mais vraiment, vraiment excellent. Ouais. Un autre genre. Choix d'action simultanée. Choix d'action simultanée où deux joueurs vont choisir en même temps. C'est roche, papier, ciseaux, finalement. C'est ça que tu veux nous dire? Ben, c'est pas nécessairement que les choix s'attaquent. Là. OK. Mais oui, mais dans le sens de... On choisit en même temps, oui. Mm-hmm. Souvent, ça va être à travers des cartes. Mettons, on met tous une carte cachée, on dévoile tous en même temps. Et là, chaque joueur fait une action. La plupart du temps, il va avoir une interaction entre les choix qu'on a fait. Mm-hmm. Par exemple, dans Dice Town, à la place des cartes, c'est des dés. Donc, on choisit chacun... On roule des dés, mais on garde le résultat caché. On va rouler plusieurs fois. Et là, on dévoile tous en même temps les dés qu'on a eus. Et selon les résultats, on fait différentes actions. Mais c'est celui qui va avoir eu le meilleur résultat. Mettons, celui qui a le plus de valets fait telle action. Fait que moi, j'ai considéré ça dans un choix d'action simultané. Ouais. Même s'il y a un côté dés, on choisit pas précisément l'action. On s'enligne quand même vers quelque chose. Et celui que j'ai amené pour présenter, c'est Malédiction. C'est un jeu un peu plus vieux. Il a été comme repris sous la forme de Broom Service. OK. que lui, dans le fond, Broom Service contient aussi un plateau sur lequel on joue. Alors lui, que Malédiction, il n'y a pas de plateau. Okay. Il n'y a pas de plateau, c'est essentiellement un jeu de cartes. Ce qui est le fun dans Malédiction, c'est qu'on va avoir un choix de personnages. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a 12. On a tous le même choix. On va d'abord choisir 5 cartes parmi les 12. Et c'est ces actions-là qu'on va pouvoir faire peut-être, si on est bon. Fait que là, je vais avoir mes 5 cartes. Et ces actions-là, mettons, c'est de ramasser des ingrédients, c'est de faire des potions, de faire des sorts, de voler de l'argent, de voler des ingrédients aux autres joueurs, il y a toutes sortes de choses. Et quand le joueur va commencer, il va choisir une carte de sa main. Mm-hmm. Il va dire, ben moi, je suis l'herboriste. Il annonce le rôle qu'il a joué. Ce joueur-là, dans le fond, quand il proclame être l'herboriste, il exige de faire l'action meilleure de ce joueur-là. L'action brave, si on veut. Mm-hmm. Le joueur suivant, s'il a la carte herboriste dans ses mains, il peut dire « Non, c'est moi l'herboriste. » Oh, okay. Et à ce moment-là, le premier joueur, ben, il perd, il l'est pas, il se l'est fait voler. Ouais. Il peut rien faire. Okay. Il peut plus rien faire. Il peut tout. Plus rien okay. faire. Le premier joueur, il est un petit peu désavantagé. Ouais, hein, mon mm-hmm. Dieu. Alors, le joueur suivant, il a dit « Non, c'est moi l'herboriste. » Le joueur suivant, c'est sûr qu'il faut jouer au moins à 3, là, mais à 4-5, c'est mieux. Là. Le joueur suivant, ben, il pourrait dire « Non, c'est moi l'herboriste. Oh, » et le Dieu. Voler encore. Mettons, on est à 3. Une ça situation comme là. Ça, ça arrive, ouais. finirait là. Une fois que tout le monde s'est prononcé, le dernier joueur qui a dit « Non, c'est moi ben, », c'est lui qui fait. Mm-hmm. Le deuxième joueur, là, il pourrait dire « Ah, ben d'après moi, Mathieu... toi, Tania, tu pourrais dire « Mathieu, je pense qu'il l'a l'herboriste. Mm-hmm. » Fait que je vais dire « Ben, qu'il en soit ainsi. » Donc, tu peux faire une action pareille, mais moins bonne. OK. Fait que des fois, il s'agit de savoir se contenter. Mais là, peut-être que tu vas te contenter. Et là, Mathieu va dire, ben non, c'est moi l'herboriste. Mm-hmm. Fait que là, ah, ben cool, je me suis contenté puis ça valait la peine. Ou Mathieu va dire, ben non, je passe, je l'ai pas. Ah, ben là, t'aurais pu demander, t'aurais mm-hmm. pu en prendre plus. Fait qu'il y a un petit élément de bluff quand même. Oui, vraiment, là. Mais il s'agit d'analyser la situation, les ingrédients que les joueurs ont, mm-hmm. qu'est-ce qu'ils visent, qu'est-ce qu'on pense que les autres vont faire. Puis il y a cette variation que c'est sûr qu'on va faire des actions à notre tour, dans parmi les 5 cartes qu'on a. Il faut juste faire attention à ne pas se faire bloquer trop. Mais j'aime beaucoup le côté « Ah non, c'est moi! » ouais, mais tu dis que le premier joueur est désavantagé. Est-ce que de ronde en ronde, le premier joueur oui. va changer? Oui, parce que celui qui fait l'action, mettons, c'était toi l'herboriste, mm-hmm. tu fais l'action, c'est toi qui vas recommencer. OK, voilà. Par contre, ça peut arriver que là, tu te dis, ben moi, je suis le maître sorcier, personne là. Fait que là, tu le fais. Mm-hmm. Je suis le gardien de loup, personne là. Là, tu le fais. Je suis le druide, personne là. Ça se peut que tu enchaînes des actions, puis là, quand t'as plus de cartes, ben t'es content, t'es ouais. toutes faites. Pour autant que t'aies choisi des actions qui t'intéressent. Le but est de vider ton paquet. Et ben oui, et de marquer le plus de points. Ouais. Toujours, c'est toujours des points. Un autre jeu dans ce style-là que j'aimerais citer, c'est Libertalia. Mm-hmm. C'est un jeu où on va. Avoir des cartes de pirates dans les mains. Il y a 30 pirates dans le jeu, mais on commence juste avec 9, mais tous les joueurs vont avoir les mêmes 9. Fait qu'on sait les cartes que les autres joueurs peuvent jouer. On va chacun choisir une carte, on la dévoile, on va toutes la placer sur le plateau en ordre de croissance. Là, ils ont tous des chiffres différents. Mm-hmm. Puis ce qui est le fun, c'est que les effets des pirates vont bousculer un peu les cartes qui ont été placées. Mettons, il y a un personnage, si je ne me trompe pas, c'est le Bosco. Ben lui, il élimine la carte la plus forte. Fait que si je pense qu'un joueur va jouer une carte très forte, je peux mettre cette carte-là pour l'éliminer. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, une fois que tous les effets sont faits, on se partage un butin. Puis la carte la plus forte va choisir le butin en premier. Puis il y a des butins qui sont pas bons, des reliques maudites ou des gens d'assassins. Donc, on veut pas prendre une carte trop faible, mais on peut pas jouer toujours une carte forte parce qu'une fois qu'on l'a joué, puis il n'y a rien plus. Là. Mais il y a des cartes que quand on les joue, on les garde devant nous, ils ont des effets vraiment, vraiment intéressants. J'ai joué une fois à 6, c'était pas mal de monde, là, mais ça brasse beaucoup, c'est quand même... Suggérer un petit peu moins, 5-4. Ouais. Mais c'était quand même le fun, là. C'est juste un peu long. Là, mm-hmm. On a du temps, ça vaut la peine. On change... Ouais, on parlait de bluff. Oui, bluff. Bluff. Donc, mentir, tromper, faire des accroirs. Poker face. On avait parlé d'Avalon. Oui. On avait mentionné Cash and Gun, je pense. Oui. Aujourd'hui, j'ai amené un de mes préférés. Mais lui, c'est du bluff, mais même mentir en pleine face. Là. Ah, ouais. C'est pour ça que j'aime ça. Et c'est un bluff de marketing. Hein, oui. Ça s'appelle Sheriff of Nottingham. Donc, Sheriff of Nottingham. C'est quoi? J'étais à l'envers et j'ai lu Shrek. Parce que ça ressemble au logo de Shrek. Ah oui, peut-être un peu, là, de la façon, en plus, ouais. le fond de couleur. Sur c'est le, ça, le... exact. Mais c'est un jeu où on est d'honnêtes marchands okay. qui se rendent à Nottingham. Pour amener des marchandises à la ville. Mm-hmm. Et le shérif de Nottingham ben, est à la porte et il veut inspecter nos sacs pour être sûr qu'on n'a pas de marchandises illégales évidemment. Que le prince John n'accepterait pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais ça se peut qu'on en ait un peu de contrebande. Caché quelque part. Mais on est correct parce que le shérif, ben, avec un petit peu d'encouragement monétaire, il laisse passer n'importe qui. Tu peux soudoyer facilement. Exact. Ben oui, clairement. Ben, ça dépend du joueur. Corrompu. Donc, dans le jeu, chaque joueur va jouer chacun son tour. Chacun leur tour, le shérif. Mm-hmm. Et les autres joueurs vont avoir des cartes en main de différents types de marchandises, des poulets, des pommes, oh. mais aussi de la soie, puis du poire, puis de l'hydromel, qui sont des contrebandes que mm-hmm. le prince veut avoir le contrôle. Donc, on va essayer de passer poire. Ça à travers les douanes okay. en mettant des cartes dans un petit sachet uh-huh. à fermoir la pression, oh. comme ça. Donc, on met les cartes dedans et on déclare au joueur shérif qu'est-ce qu'on a mis dans notre sac. Okay. Mettons, je dis, ben moi, j'ai 4 pommes. J'ai mis 4 cartes de pommes. C'est ça, ma déclaration. Et là, pendant un temps limité, le shérif peut négocier avec les joueurs, mais tous les joueurs, dans 4 minutes, là, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, pour décider s'il laisse passer en donnant le sac ou si, non, j'inspecte, il ouvre le sac et il sort la marchandise. Ouais. Ou s'il accepte une contribution volontaire. C'est ça. Un don charitable. La pogne dans le jeu, c'est que si un joueur, mettons, déclare 4 pommes, le shérif dit non, je te crois pas, il ouvre le sac et il y a effectivement 4 pommes, le shérif doit payer une amende. Ben oui, mais là, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'était pas correct de l'ouvrir, il était honnête. Par contre, si le shérif ouvre le sac et il y a de la contrebande, ben là, c'est le joueur qui doit payer une amende. Mais la déclaration qu'on fait, on peut pas déclarer qu'il y a de la contrebande. Non, on est obligé de déclarer que c'est honnête. Ouais. Mais là, le shérif doit sous-peser. Ben, tu sais, il me dit 4 pommes, il a-tu mis 3 pommes puis une contrebande? Puis là, il me donne 3 piastres. Fait que c'est pas spé. Ou il a mis 4 contrebandes. Fait que là, on joue tout là-dessus à mentir et faire des accroirs. Mais là, j'ai passé la contrebande là, la dernière fois, je me suis fait avoir, j'en remettrai pas ça toi aussi. Mais justement, ouais, peut-être tu vas le faire parce c'est que ça. Tu dis ça. T'sais. On n'est jamais sûr. Fait que c'est d'essayer de lire les adversaires, c'est vraiment très drôle. C'est très dur être shérif, puis il y a de la tentation d'ouvrir tous les sacs juste pour. C'est sûr. On croit pas que personne. T'es le shérif, le pouvoir te monte à la tête. Ça c'est arrive. Ça. Ça ben oui. Ça. C'est son droit, ça. Ben oui. Il est shérif. On avait mentionné aussi le stop ou encore, je pense. Ça me dit quelque chose, selon moi. Ouais, ça me dit quoi? Le push your luck. Push your luck. Oui. J'ai amené Pandémie le remède. Donc, c'est Pandémie. C'est une version un peu différente. Dans le fond, Pandémie, c'est un jeu coopératif. Là. Je n'ai pas trop parlé parce que je vais vouloir faire une chronique spécifiquement sur les jeux coopératifs. Oh, okay. Oh, intéressant. Dans le futur, peut-être la prochaine fois. Ouais. Mais Pandémie le remède, c'est une version D. Donc, le thème, c'est qu'on est une équipe qui essaie de... d'enrayer une pandémie, c'est ça? Oui, d'éradiquer plusieurs maladies qui ravagent le monde. Dans ce jeu-là, on va chacun avoir nos dés. Puis chaque personnage du jeu a ses dés. On va les rouler. Puis les phases des dés nous permettent de faire certaines actions. Mm-hmm. Mais mettons, on n'est pas satisfait des actions qu'on a. On a le droit de les rerouler. Une fois? Autant de fois qu'on veut. Okay. Mais il y a une face qui est vraiment pas bonne sur le dé. Si on la pogne, ben, il y a des conséquences. Ah, des fois, on peut en rouler une. Ah bon, c'est pas très bon, mais pour l'instant, ça va. Mais à force de rouler ce symbole-là, on va avoir une épidémie. Là, il y a plein de situations de crise qui se produisent. Et s'il y a trop de situations de crise, ben, on perd la partie. Mm-hmm. Donc, lui aussi, très intéressant. On avait peut-être parlé de Celestia, je sais pas, là, de... qu'on est tous dans le même bateau, puis on roule des dés, puis il faut jouer les cartes. Non, je pense pas. Moi, j'en parle tout le temps, fait que là, j'ai parlé. Non, c'est ça, on est tous dans le même bateau, et il y a un joueur qui est le capitaine, va rouler les dés, et il faut qu'il joue de sa main des cartes qui correspondent au symbole roulé sur les dés. S'il les a pas, le bateau s'effondre. Oh, avec tous ceux à bord. Donc, ceux qui étaient à bord marquent pas de points. Même le capitaine reste pour voir le capitaine, il n'y a pas le choix. Okay. Ben oui, c'est le capitaine. Il n'y a pas le choix. Il coule avec son bateau. Ouais, c'est ça. Ça coule avec le bateau. Ouais. Donc, chaque joueur peut, avant de continuer, une fois que le capitaine a roulé les dés, dire « Oh non, le capitaine, il n'y a pas ces cartes-là, là, c'est impossible, je débarque. » Il va avoir des points. Mais si le bateau continue, ben là, j'aurais peut-être dû rester et avoir plus de points. Fait que lui aussi, très intéressant. Celestia, celui-là. Ouais. Et puis là, ben, malheureusement, je suis un petit peu serré dans le temps. Non, t'as pas quelque chose après, toi. Ben oui, le travail. Ça se peut dessus. Avoir su. Il me restait pas beaucoup, beaucoup. Fait que je pourrais continuer la semaine prochaine. Ben, puis oui. Commencer peut-être les jeux coop. Ça serait peut-être intéressant, puisque je viens d'en parler. Mm-hmm. Je vais préparer ça. Cool. Bon, on se revoit la semaine prochaine, alors. Parfait. Mathieu Janvier, chronique jeux à gogo. Merci beaucoup. Merci. C'est les jeudis matins à Assemblage Rocky. Maintenant, on prend une pause. On revient. Et après ça, il y a d'autres choses. Ta chronique, entre autres, s'en vient. De quoi tu nous parles tantôt? Du vin. Ben, tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus pour que les gens restent à l'écoute. À sondage requis. Pour toi aujourd'hui. À sondage requis. Toujours à Assemblage Rocky, en ce jeudi matin 12 avril 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Tout à l'émission, une grosse pointe en dresse et ta chronique est Tania's Gonna Entertain Ya. Mais avant ça, on se prend une petite chanson qui nous donne envie de déménager ici même, à un autre endroit dans notre propre pays, parce que c'est Moving to Canada. Voici la pièce Stardust Invasion. Things great. When I die, all my friends, this is now and over again. As we die, I'm leaving a new hole in the wall, feeling like I'm always so small. This is the middle of you. Rich Aquin avec The Middle, précédé de Moving to Canada avec la pièce Standard. Standard, c'est quoi? Standard, Stardust Invasion, voilà. Ouais, et aujourd'hui, ça roule, puis on a pris du retard, fait qu'on prend la pause, puis on revient, hein, avec Tania, It's Gonna Entertain You. Un sondage de qui? De toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Oui. Un sondage de qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? C'est la troisième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 12 avril 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a écouté beaucoup de musique quand même entre les chroniques aujourd'hui. Oui. Mais on a beaucoup de gens. Et là, c'est terminé. C'est rendu que toi et moi. Dans une demi-heure, on va faire une grosse pointe à l'adresse. Mais pour l'instant, c'est le moment de parler de vin. OK, oui. Donc, Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain me! Oui, on parle de vin, un sujet qu'on aime tous les deux, je crois, mais aussi de fraude, ça on aime un peu moins ça. Oui, exactement, on parle de vin et de fraude ce matin parce que y a un article qui est sorti récemment sur, quelque chose qui s'est passé du côté de la France. Et on le sait, le Québec et la France, aux côtés des alcools, n'est pas nécessairement dirigé de la même façon. Non. On est cousins, pas frères et sœurs. Exactement, mais il y a une société, en fait, de vin, qui est-à-dire les grands vins de Gironde, qui ont été condamnés jeudi passé par le tribunal correctionnel de Bordeaux, donc en France, à payer une amende de 400 000 euros, ce qui équivaut à 625 000 $ canadiens, dont 200 000 euros avec sursis pour avoir utilisé frauduleusement plus de 6 000 hectolitres de vin. Qu'est-ce que des hectolitres en passant? C'est tout simplement une mesure de volume en dehors du système international, mais l'usage est accepté du côté de la France. Donc, ça vaut 10 litres cubes et le symbole est HL et c'est quelque chose qui est utilisé souvent pour décrire justement la quantité de vin qui va se trouver, par exemple, dans des barils. Oui, c'est ça. Okay. Donc, on trouve, par exemple, des communes, là, par exemple, 140 hectares vont produire en moyenne 12 400 hectolitres. Okay? Donc, si on prend ça en conséquence et qu'on va dans un petit peu plus loin gruger dans ce qui s'est passé du côté de la France, eh bien, il y a un directeur des achats qui a été condamné à 15 000 euros d'amende avec sursis. En fait, c'est que l'ancien directeur des achats était poursuivi pour tromperie sur la nature, la qualité l'origine ou la quantité d'une marchandise qui s'est passée entre 2014 et 2015. J'aimerais voir les critiques du moment. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'était un très bon vin selon les critiques? On regarde le grand vin de Gironde, en temps normal, c'est quand même une belle maison de production de vin. Et là, on se rend compte qu'il y a tromperie sur la nature, sur la qualité, sur l'origine, mais aussi sur la quantité de la marchandise. Ça s'est passé entre début 2014 à fin 2015. Donc, le tribunal a relaxé jeudi dernier le directeur des achats pour une période postérieure au 2 juin 2015, date à laquelle il avait fait l'objet d'une nouvelle fiche de poste. Donc, il y a plus de 6 000 hectolitres de vin d'une valeur de 1,2 million d'euros qui avaient notamment servi à des mélanges qui étaient interdits et sans traçabilité. Donc, on ne pouvait pas retrouver d'où venaient ces vins-là. Donc, c'est des vins de France qui auraient été revendiqués en pays d'Ossé, là-bas. C'est des vins quand même qui sont mélangés avec des assemblages d'appellations bordelaises. Il y a des étiquettes avec des millésimes et des noms de châteaux qui sont incorrects. Donc, il y a vraiment tromperie, en fait. Il y a n'importe quoi, finalement. Exactement. C'est un maudit crosseur. En fait, c'est une infraction non négligeable dans le domaine du vin, de la sommellerie. Donc, les victimes sont les petits consommateurs de grandes surfaces, là, dont on peut estimer quand même une certaine méconnaissance des produits ou des clients étrangers. Ce qui va pas Exactement. Ce qui va pas nécessairement dans le sens d'avoir une bonne image non plus par la suite. Hein. Ça va être quand même assez difficile de pouvoir avoir la confiance du grand public pour ensuite revendre notre vin. Donc, la société a déjà été avertie en 2005 parce que son casier judiciaire portait des traces d'une condamnation avec une amende de 30 000 euros. Ça l'avait été acquitté en 2006 pour tromperie sur marchandises et publicité mensongère, encore une fois. Donc, c'est des pratiques qui sont de plus en plus graves. On ne peut pas nécessairement imaginer qu'une structure qui revendique le sérieux de son vin et le sérieux de ses vignes, qu'on invoque justement, qu'on ignore l'existence un petit peu de ces vins-là, on fait justement... on prend en considération les compétences des gens qui nous vendent le vin en temps normal. Ben oui. Et là, on se rend compte du côté de la France que, bon, il y a eu tromperie sur le produit. Hein? Donc, on justifie en fait une condamnation à une amende de 400 000 euros plus 200 000 euros avec sursis, en fait, pour la tromperie. Donc, les deux parties sont contraints, en fait, de payer des indemnités aux parties civiles. Donc, on parle de 10 000 euros avec l'Institut national de l'origine et de la qualité, 3 000 euros à trois grands organismes des vins de Bordeaux, parce qu'on a menti sur les vins de Bordeaux. Ouais. Donc, le directeur des achats n'a pas encore été condamné. On demande qu'un tiers pour le moment, mais c'est sûr et certain qu'on va devoir voir où ça va tout ça, parce que, comme je le disais, on se force justement à peut-être devenir un petit peu plus intéressé à d'où viennent nos vins, la confiance aussi qu'on a envers les sommeliers qui créent ces vins-là. Donc, ça devient un petit peu touché de réaliser qu'un vin comme ça, qui est quand même assez reconnu, a été trompeur pendant plusieurs nombreuses années. Et c'est un gars qui a fait ça, c'est sa carrière. Oui, exactement. C'est son nom qu'il a mis là-dessus. Je veux dire, comment est-ce que tu peux penser défaire, gaspiller, ruiner ta carrière de plusieurs, probablement, décennies en faisant quelque chose d'aussi stupide? C'est un petit peu... c'est bizarre, en fait. C'est bizarre. Et je me suis dit ce matin, je voulais parler de ça parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui se passe souvent. C'est pas nécessairement non plus quelque chose qu'on voit souvent dans les grandes nouvelles. Mm-hmm. Bon, un vin, c'est un vin. Faut vraiment qu'on soit passionné du vin ou encore qu'on soit intéressé à ce genre d'histoire-là. Donc, je me suis dit, bon, je vais vous en parler jeudi matin parce que souvent, on parle d'alcool. Et je me suis dit aussi, deuxième volet à cette chronique sur le vin, on va déconstruire des clichés féminins par rapport au vin, Mathieu, ce matin. Okay. Parce qu'en mars dernier, bien évidemment, il y avait la Journée internationale des droits de la femme. Oui. Et non pas la Journée de la femme, comme plusieurs le pensent. C'est une Journée internationale des droits des femmes, en passant. Mais on souhaite quand même revenir sur certains clichés qui perdurent encore aujourd'hui concernant les femmes et le vin. Mmh. Parce que on s'intéresse de plus en plus à ce qu'est le vin et la liaison qu'on a avec les femmes. De ce côté-là, les mentalités globales changent quand même assez rapidement depuis les dernières années. Donc, il reste quand même des idées reçues qui sont bien ancrées dans notre société. Des stéréotypes, si on veut. Oui, exactement. Ouais. Des stéréotypes sur les différences femmes-hommes. Et on s'entend que c'est pas nécessairement tout le temps vrai. Donc, non. Ce matin, on s'intéresse à déconstruire ces fameuses petites rumeurs ou clichés. Donc, premier, les femmes préfèrent les vins sucrés. C'est faux. C'est et archi faux. Ah, vraiment? En fait, selon plusieurs études sérieuses et quand même assez représentatives, les femmes préfèrent, comme les hommes d'ailleurs, les vins rouges. Et oui, l'idée selon laquelle la gente féminine ne boirait que des vins rosés, blancs ou sucrés, c'est totalement erroné. Les goûts en matière de vin ont bien plus trait à la personnalité du buveur, à son expertise aussi, et à des goûts personnels qu'à son sexe. Genre du Porto, hein? Exactement. Ah. Oh. Deuxième cliché, il existe des vins féminins. Ah, ben ça, là, que la bouteille soit rose, là, ça change pas grand-chose. Un vin c'est une féminin. Drôle d'idée, en fait, ouais. Hein, on va se le dire. On peut lire, on peut entendre aussi, un peu à gauche et à droite, dans certains médias, que les vins produits par des femmes auraient des caractéristiques féminines. Les critères sont rarement clairs hein, là-dessus, mais à plusieurs reprises, des dégustations à l'aveugle ont prouvé que c'est quand même assez impossible de dire qu'il s'avait été fait par un homme ou par une femme. Et là encore, le vin, c'est le résultat du travail. C'est ouais. le résultat aussi d'une sensibilité du vigneron et non fiction du genre masculin ou féminin. À moins que ce soit basé sur de la crème de lait maternelle. Oui, mais là, on s'entend que ça serait pas un vin. Non, ce serait une liqueur. Une liqueur, ouais. Exactement. Par la suite, les métiers du vin sont très majoritairement des métiers d'hommes. J'aurais pensé que oui, mais... C'est faux. C'est faux. Mais ils restent majoritairement dans la globalité du domaine. Voilà. En revanche, il y a de plus en plus de femmes qui choisissent d'exercer des professions dans le secteur du vin, même celles qui sont, par exemple, à la base, là, comme tout simplement être dans les vignes, mm-hmm. récupérer les raisins. Donc, on est représenté par des hommes exclusivement, comme, par exemple, les maîtres de chai ou les chefs de culture. Mais dans tous les domaines professionnels, les métiers du vin se féminisent aussi de plus en plus, et c'est une excellente ben chose. Oui. Ici, au Québec, on a de plus en plus de sommelières qui sortent du lot, qui font quand même une bonne publicité au niveau de la gente féminine et de la culture du vin. Je pense entre autres à une certaine sommelière qui passait à la télévision il y a quelques temps. Mais, par exemple, penser, créer, aujourd'hui, toujours diriger, c'est quelque chose qui est féminin aussi. Donc, on devient une espèce de figure du secteur du vin à ce moment-là. Et il y a des associations, par exemple, comme Women Do Wine, qui se sont créées pour leur donner justement plus de visibilité à ces femmes-là, parce qu'on s'entend que si on décide de devenir sommelière du jour au lendemain et d'avoir nos propres vignes, bien, on est en quelque sorte une entrepreneur, il faut se le dire. Donc, il y a un grand réseau qui regroupe quand même autant de compétences que de vigneronnes, des œnologues, des sommelières, des communicantes, des journalistes du vin, des blogueuses, tout ce qui est commercial aussi par rapport au vin. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas seulement un métier d'homme derrière le métier de vigneron. Ah, tant mieux. Par la suite, cliché encore une fois, ce sont les hommes qui achètent le plus de vin. Moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais pensé que plus de femmes achètent du vin parce que quand même, la vie est plus stressante pour une femme, il me semble. Ben, justement, Mathieu, c'est une idée qui est reçue. C'est une idée qui est préconçue aussi. On la renvoie. Exactement, parce que d'après plusieurs études concordantes, les femmes achètent très majoritairement le vin entre 70 % et 79 % selon les études. J'avais raison, j'ai dit que c'était les femmes qui en achetaient plus. Exactement, okay. Que ce soit pour leur famille ou pour elles-mêmes. Par contre, elles disent pas toujours bien s'y connaître en vin, mais ce sont de plus en plus des femmes qui vont demander d'apprendre ou de se former. Ouais. Donc, si par exemple, vous allez vous promener à la SAQ, il y a de fortes chances que vous ayez plus... Il y a de fortes chances, en fait, que vous croisiez plus une femme être en train de s'informer à la personne qui travaille à la SAQ qu'un homme. Est-ce que ce serait un cliché de penser que les femmes, je sais pas si c'est classique ou si c'est connu, mais ont tendance à aimer certains vins et acheter tout le temps ces vins-là? Des fois. Oui, oui, parce peut-être. Parce que tu sais, des fois, t'as tellement de stress dans la vie, tu veux pas avoir à chercher ailleurs. Je pense que ça dépend de la soirée, je pense que ça dépend du goût du moment aussi. Oui, j'aurais tendance à dire ça aussi selon ce que moi j'observe. J'ai des amis qui choisissent tout le temps le même vin. Moi, je suis du style à vouloir toujours découvrir d'autres vins. C'est pas pour rien qu'on fait cette émission-là. Exactement. Et moi, j'aime bien aussi choisir des belles étiquettes. Oui, tout à fait. Ou des belles bouteilles. Des belles étiquettes, les pays. C'est quelque chose que j'aime diversifier. Je suis pas une très, très grande amatrice des vins français. Mm-hmm. Par contre, j'aime beaucoup les vins rouges de l'Italie, le Portugal. Donc, de ce côté-là, d'y aller un petit peu là, dans des pays différents, c'est parce que souvent, on connaît pas nécessairement les vignes, on connaît pas nécessairement les cépages. Les goûts sont différents. Exactement, qui vont venir avec tout ça. On s'entend, le sol sur lequel tes vignes poussent, c'est différent entre l'Italie, le Portugal et la France. Donc, de ce côté-là, si on veut un vin qui va goûter autre chose et que vous êtes peut-être un petit peu tanné du vin que vous achetez tout le temps la même bouteille, bien, allez-y dans un autre pays. Ben oui. Peut-être est-ce que ça va changer beaucoup la donne à ce moment-là. Ils sont classés par pays en plus dans les SEQ. Exactement. Quand t'as pas d'argent à voyager, bon, au moins tu voyages par le vin. Hein? Exactement. Ouais. Puis si vous êtes du style à connaître un petit peu vos goûts au niveau du vin, vous les aimez pastilles. Un goût peut-être plus sucré ou que quelque chose qui est plus sec, bien surtout, n'ayez pas peur de demander à la personne qui travaille à la SEQ de vous guider vers un vin qui va être dans vos prix, qui va être dans vos goûts aussi. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on va trouver un autre vin parce que la personne à qui on va demander conseil va nous amener ailleurs dans la SEQ. Et souvent, c'est là que le fun va commencer. Mmh. Par la suite, un autre cliché, c'est l'homme qui choisit le mieux le vin. Oh ben là, non, ça, j'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais si on a une scène banale, là, quand même assez stéréotypée. Un petit couple hétérosexuel qui arrive à SEQ, OK. Qui arrive dans un restaurant. Un restaurant. Le serveur va lancer « Je fais goûter à monsieur, j'imagine. Oh, » Mais comme ça, bam! L'homme naîtrait peut-être avec le palais aiguisé au vin, contrairement à celui des femmes. Aïe. C'est une étrange, en fait, mutation génétique, hein, on va se le dire. C'est pas nécessairement vrai. Donc, trêve de plaisanterie, c'est une idée qui est quand même assez répandue et qui est archi-fausse, bien évidemment. C'est vrai que les hommes disent souvent mieux s'y connaître que les femmes, parce que précédemment, dans le passé, c'était quelque chose qui se transmettait de père en fils, de la dégustation du vin. Et souvent, on a vu le domaine du vin être très, très masculin, comme on le disait. Donc, les cépages, quelque chose qui était quand même assez charnu, donc des goûts qui étaient très, très terreux ou ce genre-là, c'était quand même les hommes qui les aimaient. Mais c'est très certainement davantage dû à l'autocensure malheureuse des femmes en général dans beaucoup de domaines techniques, ouais. Comme peut-être la dégustation d'un vin. Les femmes, on est peut-être moins portées à le déguster, à regarder la robe, à regarder la couleur, à sniffer notre vin avant de le déguster. Mais c'est quelque chose que les hommes se sont transmis de génération en génération. Ouais. Si on commence à le faire du côté des femmes, peut-être est-ce que au restaurant, l'homme va dire non, ça va être ma femme qui va goûter. Ben oui, je ferais ça, moi. Donc, c'est une véritable donnée non scientifique, OK? On s'entend. Par la suite, un autre cliché... Il arrive pas que genre avec sa baguette de pain, « Hey, madame, veux-tu te mettre ça dans la bouche? » C'est ça, exactement. On s'entend. Par la suite, un autre cliché, « Une femme ne doit pas se servir de vin à table. » Parce que ça n'a pas de sens? C'est vrai, mais... Mais, OK. C'est vrai parce que dans les règles de savoir-vivre, c'est un homme qui va servir le vin à une femme. C'est exigé, en fait, que les femmes ne se servent pas elles-mêmes de vin à table et elles vont laisser les hommes en charge de cette tâche-là. C'est tout simplement au remplissage des verres. Par exemple, qu'on a un souper à plusieurs personnes ou qu'on a un souper à deux, eh bien, à ce moment-là, c'est l'homme qui devrait, en théorie, servir le vin à table. C'est tout simplement une question de savoir-vivre. C'est une question d'élégance aussi. De l'homme envers de la galanterie. Femme. Exactement, de galanterie. C'est une vision qui est néanmoins vue comme dépassée par certains. Ouais, rétrograde un peu. Exactement, qui considère que ça nourrit une image dégradée de la femme. Mm-hmm. Bon, on va se le dire, c'est peut-être vrai. C'est sûr que si on y va du côté de la galanterie, moi, je trouve ça cute. Merci. Ah bon, OK. Si moi, je te sers un verre de vin après que tu me l'aies peut-être déjà servi, je trouve que c'est déjà mieux. OK, il faut que ça ait commencé par moi, maintenant. Ben, on s'entend qu'on parle dans une situation de rendez-vous galant, d'une date. Par exemple. Si on est deux chums qui boissent mon divan, tu vas boire à même la bouteille. À même la bouteille, exactement. Donc, on peut facilement penser que si l'homme sert la femme, c'est pour qu'il puisse surveiller sa consommation. Donc, derrière cette idée, il y a une femme qui serait peut-être pas capable de se contrôler si elle boit. En revanche, pas de problème pour un homme. Ben non. Donc, de ce côté-là, c'est encore une fois un cliché. Ouais. Mesdames peuvent très bien servir le vin à qui elles veulent. On s'entend, surtout si c'est une soirée entre filles, ça va clairement être une fille qui va remplir les coupes des autres. Qui est la plus masculine dans la gang? Exactement. Mais je dois dire que c'est très rare que j'ai eu, par exemple, un rendez-vous à un moment avec la jante masculine où j'ai moi-même re-remplis mon verre ou remplis le verre du gars devant toi, c'était moi. C'était un critère, si tu ne le reversais pas en premier, tu disais « OK, faut que je m'en aille, j'ai de quoi d'autre. » Non, non, mais je me demande quand est-ce que je vais le faire. Ah, OK, tu te sens mal à l'aise. Ouais. Tu te demandes si tu vas pas lui piler dessus et lui piler sur son orgueil. Exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'il faut, il faut se le dire, je trouve ça quand même, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça galant un homme qui va le faire. Donc, est-ce que si je remplis moi-même sa coupe et par la suite la mienne, je pile sur la galanterie ou je suis en train de montrer que je bois plus vite que lui? Oh, peut-être que là, tu vas passer pour une soulane. Exactement. Si le gars prend la gorgée puis t'as crache dans la bouche, là, c'est pour la vie. C'est ça. Fait que je pense que j'aime mieux, personnellement, attendre, voir le temps qu'il va prendre avant de remplir ma coupe. Puis voir comment est-ce que tu es capable de toffer longtemps sans boire d'alcool. Avant de la prendre moi-même et de remplir ma coupe. Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs clichés sur les femmes et sur le vin. On a quand même la vie dure dans le monde du vin, on va se le dire, mais encore une fois, les choses bougent. Parlons-en, répandons les bonnes nouvelles. Essayons de déconstruire un peu les doutes et les clichés qui s'évaporent là, justement peu à peu. On va espérer, en fait, que les femmes continuent de s'épanouir dans le domaine du vin. Et si jamais ça vous intéresse, je suis tombée sur un excellent blog où justement j'ai trouvé ces fameux petits clichés-là chez l'homme et la femme dans le monde du vin. C'est un blog français, parce que bon, ça vient de la France, là, malheureusement. J'ai cherché des blogs... Ben non, mais j'ai cherché des blogs québécois et il n'y en a pas des milliers. Hein? Alors, sur le vin, là, surtout, on s'entend. Et si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle 3 fois 20. Ah, drôle. 3 fois 20 comme dans 60. 3x20.com. Oui. C'est un blog. Sachez qu'il y a des abonnements aussi qui sont possibles, mais je ne sais pas si vous pouvez vous abonner vu que vous êtes ici au Canada. Ouais. Mais c'est une formule de boîte. Donc, tout est en boîte ces derniers temps. On le sait, là, on peut se commander de la nourriture en boîte et tout ça. Mais là, les vins, vous les recevez à la boîte. Mmh. Et sachez que c'est une femme qui fait les boîtes. C'est Mme Marie-Dominique Bradford. C'est la fondatrice de 3 fois 20. C'est la pionnière, en fait, de la boxe de vin en France. Donc, en 2010, elle a lancé le concept de boxe qui balbutinait un peu. Là, c'était pas super fort en 2010, je vais vous avouer, mais c'est une dégustatrice surdouée et à l'idée tout simple de glisser des bouteilles choisies avec soin dans des boîtes pour les envoyer aux quatre coins de la France afin de justement faire découvrir ses trouvailles aux amateurs de bon vin. Donc, c'est une expérience de presque 20 ans dans le choix, dans la sélection des vins qui sont quand même assez exceptionnels, qui lui donne justement cette longueur d'avance qui fait de 3 fois 20 le pionnier et la référence des boxes de vin en France. On s'entend, c'est une passionnée. Elle revendique un goût qui est prononcé pour les vins d'artisans vignerons. Elle parcourt les vignobles sans relâche à la recherche de petites pépites qui ravissent le palais des abonnés. Donc, si on est ici au Canada, malheureusement, on n'a pas encore ce beau côté-là de pouvoir partager du vin dans une boîte. Par contre, j'ose espérer que ça va peut-être donner l'idée à quelqu'un de le faire. Sinon, ça pourrait être ta future entreprise. Écoute, moi, travailler là-dessus, moi, parce que je pense que j'aimerais bien ça. Et sinon, sachez que c'est possible pour vous de tout simplement aller sur les réseaux sociaux ou encore sur Google et trouver des clubs sociaux qui vont faire des dégustations de vin si jamais ça vous intéresse. Ici à Trois-Rivières, on en a quelques-uns. Il y a l'école d'hôtellerie d'ailleurs qui fait un vin par année, qui fait un vin par session même. Dégustation vin fromage. Parfois, c'est juste le fait d'aller découvrir d'autres choses aussi qui va nous amener cette connaissance-là, cette pratique-là aussi au niveau des vins, au niveau de notre palais. Parce que bon, si on goûte toujours le même vin, bien, si on goûte à autre chose, peut-être qu'on n'aimera pas ça dès le départ parce que nos papilles sont pas habitués à ce changement-là. Donc, on doit un petit peu appréhender le vin comme on appréhenderait un nouveau mets, tout simplement, de découvrir quelque chose. Et justement, il y a plusieurs clubs sociaux qui se lancent dans tout ça. Pas mal intéressant, ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Tania Baudin, Tania Esgalanjo, Tania. J'aurais bien eu envie de jouer quelque chose qui avait rapport avec le vin. Oui. Genre Avril Lavigne. Mais tout ce que j'ai, c'est Fanny Bloom avec Liqueur. Assemblage requis. like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, it's a calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain, I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night, I'll never be free. Broken and poor, I can't break what I held and it never was true. In the mirror what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could. Tried so hard to be good for myself, for you, for the hidden and divine, for everything, but I can fail just so many times. Stopping. At 5 a.m. just cries you coughing. The perfect life was enough for you, and never enough to see me through. For all the lies that were spoken in ways, and the way we lived as an affront to the days, wasn't affront to the things that we cared about, wasn't affront to everything that we cared about. Avec This Wild Darkness. Et avant ça, c'était Fanny Bloom avec Liquor. On prend une pause. Après ça, c'est la dernière demi-heure de la semaine en direct. Et la meilleure, c'est une grosse pointe à l'adresse. Au retour, restez là. Vous êtes de retour dans Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui! Et maintenant, c'est notre moment préféré de la semaine. Pas qu'on n'aime pas nos chroniqueurs. Non, au contraire. On les adore. C'est juste que Radiateur-là, on a faim. Ben, c'est ça. Faim, soif, peu importe. C'est le moment de passer à une grosse pointe d'adresse. C'est une qu'on se fait dans le reste de la chronique, on achète quelque chose en dépanneur, en épicerie, en pharmacie, et on se goûte ça en onde, en direct, pour la première fois. On fait ça depuis 2013, pouvez-vous croire? 2013! Ceux qui commencent à faire des critiques en ce moment, là, c'est comme, ouais, ben, tu sais, on les a déjà toutes faites. Ben ouais. Non, on n'est pas si bon que ça, mais quand même. Une grosse pointe d'adresse, donc, produit que ce soit malsain, pas jamais goûté par nous. Facile à se procurer. C'est pas mal les critères qu'on a dans la chronique. Et aujourd'hui, en fait, Agnès, je t'offre de choisir. Ah ouais? Parce que j'ai amené mes deux sacs d'épicerie. D'accord. J'ai un sac qui contient des choses qui sont mangeables. Mm-hmm. Et j'ai un sac qui contient des choses qui sont buvables. Oh là là! OK. Mangeable, buvable, faut en éliminer un. Ah. Je vais dire qu'on élimine buvable. Ouais, OK. Ouais. Parfait. On va regarder ça pour une autre fois. C'est correct. Encore du café. Dans ce qu'on a de mangeable, OK? T'as pas vraiment le choix entre le sucré et le salé aujourd'hui. Okay. On a du sucré, du très sucré ou du très très sucré. Mais je vais te demander par catégorie de produits, est-ce que t'as envie de manger plus du popcorn? Est-ce que t'as envie de manger plus de l'écorce ou encore du chocolat? Ben, je pense que je vais y aller avec l'écorce parce que ça met un doute dans ma tête. De l'écorce. De l'écorce chocolatée. Ouh! C'est ce qu'on va goûter aujourd'hui. On parle d'un produit biologique de Prana. Avec chocolat noir, 62%, c'est des écorces de chocolat aux noix caramélisées avec sel de mer. Et en anglais, ça s'appelle Carousel Chocolate Bark. Oh. Carousel, comme dans caramel puis bretzel. Oui, ben oui, tout à fait. Quand même. C'est donc sans gluten, sans GMO vérifié, c'est fair trade. Ça a l'air super beau sur le devant, quand même, chocolaté, oui, avec des petits bouts de bretzel qui dépassent sur les côtés, on aime ça. Donc, lisons un petit peu sur l'emballage. Ben oui, certainement. Faites l'expérience de nos délicieuses écorces de chocolat noir certifiées équitables. Un amalgame d'ingrédients authentiques et nutritifs donne à ces petites douceurs une saveur inégalée qu'il vous sera difficile de partager. Allez-y, croquez et craquez. Ils disent « Nous croyons que le plaisir passe par de bons aliments et par bons, nous voulons dire, sains, authentiques et biologiques, mais aussi débordants de saveurs. Alors bienvenue dans notre univers, là où l'énergie est délicieuse, la découverte est infinie et le plaisir essentiel. » Ça va loin, hein? Oui. Prana fait du bien. Hein? Ils ont aussi d'autres écorces de chocolat à d'autres saveurs. Il y a amande, noisette et riz croquant et canneberge et noix. Mais celle qu'on va goûter aujourd'hui, c'est écorce de chocolat qui contient, comme je disais, du chocolat noir à 62% qui lui-même contient de la liqueur de cacao, du sucre de canne, du beurre de cacao et de l'extrait de vanille, entre autres. Ensuite, il y a noisette, amande, sucre de canne et sel de mer et d'autres. Ça a l'air vraiment bon. On goûte ça, les écorces que je t'envoie à l'instant. Et le micro magique est là. J'aime ça, ces petits sacs-là. Facile à ouvrir, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a un zip dessus? Oui. Ouais. Fait que j'ai comme le fermé. OK. Oui, pour qu'on entende le zip. Eh oui, tout à fait. Vous avez deviné qu'on fait de la radio auditive. Oh, ça sent chocolaté, mon cher Mathieu. Oh, j'ai hâte. Oh, il n'y en a pas énormément! Non, okay. C'est des gros morceaux! Ah. Ouais. Je vais essayer de prendre un petit morceau. Donc, j'ai pris un petit morceau. Il est vraiment beaucoup trop petit, ton petit morceau. Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment des très gros morceaux. Ben, prends-en un gros, puis casse-le. Hein? J'ai pris un autre petit morceau, fait que j'ai deux petits morceaux. Je te reprête tout ça. Merci, c'est encore une fois par la compagnie Prana, biologique. Oui. Écorce de chocolat, noix caramélisée avec sel de mer. Je ça m'en sent, prends. Crime, tu dis, hein, c'est épais. Oui, c'est très épais. Gros brique. Le chocolat noir se fait sentir. Moi, j'adore ça. J'adore le chocolat noir. Mais je te dirais que. Tu sais, tu le sens, là? Je sens le sel. Oui. Je sens le caramel, je pense, un peu. Est-ce que t'es prêt? Je suis très prêt. Ben, allons-y. OK. Je mets le morceau au complet. Non. Moi, croque. Ok, ouais. Mm-hmm. Le chocolat noir en premier, bien sûr. Oui, tout à fait. Côté le amer sel par la suite. Ouais. Je trouve pas le caramel. Moi non plus. Et c'est pas assez croustillant pour du bretzel. Non. Ça l'est un peu, mais c'est comme bretzel un peu mou. Ouais. Non, je m'attendais à ce que ça crunch plus que ça. Moi aussi. Mais c'est très bon. Et le goût, une fois qu'il descend, t'as toujours pas le caramel, mais le côté amer et le côté salé fit vraiment bien ensemble. Je pense que je vais le laisser fondre dans ma bouche, voir. Okay. Savoir si on va plus goûter le caramel à un certain moment. Il est pas présent du tout. Non. Dommage. C'est bon. Mais, on dirait que je trouve ça meilleur quand je le fais fondre. Qu'est-ce que ça te rappelle comme goût? Mais mon Dieu. Ça me rappelle... Désolé, j'en ai encore dans la bouche, mais... Il y a des... dans un magasin de vrac, Bulk Barn, Il y a des chocolats au caramel salé. Ça goûte un petit peu quand même ça. OK. Mm-hmm. Vraiment. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi aussi. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Même si je suis déçu de quelques petits aspects. Oui, en effet. Faut pas être trop chialeux là-dedans. Non. Bon. Hein? C'est-tu de la belle radio, ça, ce qui est chez toi, non? C'est merveilleux. Faut bien à un moment donné, hein? Sinon, je vais en mettre partout. Ben oui. Bref, on était en train de parler... on va commencer, en fait, un petit bloc de nouvelles du fast-food. Commençons par Taco Bell. On a parlé de Taco Bell plus tôt dans l'émission. Tu te rappelles? Taco Bell teste maintenant un taco déjeuner au pain doré. Ah, ça a l'air vraiment bon. C'est un test qu'ils font à Dayton, en Ohio. La marque décrit ça comme étant fluffy et cinnamony, donc à la cannelle, et fluffy comme dans mou et doux. C'est le French Toast Chalupa qui vient avec des œufs brouillés, un choix de bacon ou de saucisse en miettes et un à côté de sirop. Tout ça pour 2,50$ chaque. Donc c'est comme un genre de pain plat si on veut. C'est leur coquille de gordita comme ils appellent, sauf qu'elle a été frite. C'est un test comme je dis à Dayton en Ohio. Ça pourrait aller au niveau national un petit peu plus tard. Ils ont essayé plein d'autres trucs comme ça qui n'ont pas nécessairement marché, mais ça pourrait. Il y a du potentiel là-dedans parce que du pain doré, c'est bon. Ensuite, en début d'émission, on a parlé de Dunkin' Donuts aussi. Ben oui. C'est une thématique dans son foutu palmarès. On parle maintenant de Donut Fries. Donc, c'est comme des frites, mais c'est dans le fond des beignes. Hein, des Donut Fries, ça fait partie de leur nouveau menu collation à 2$. Celui-là, c'est à Boston, dans le Massachusetts. C'est comme des bâtonnets, si on veut, de pâtes frites. Et c'est couvert de cannelle et de sucre. Donc, ça devient un petit peu comme un churro. OK. Hein? Sauf qu'ils appellent ça des Donut Fries, parce que churro, personne n'en achèterait, j'imagine. Ben non, c'est ça, exactement. Le menu s'appelle Dunkin' Run. C'est comme un genre de jeu de mots avec leur slogan « America runs on Dunkin'». Là-dedans, il y a des bouchées de pretzel avec sauce miel et moutarde. T'as des chicken tenders, des bâtonnets de poulet gaufrés. T'as des roll-up au jambon et au fromage. T'as des munchkin dippers, des genres de trous de bain que tu peux tremper dans quelque chose. Et des brownies sans gluten dans leur nouveau menu Dunkin' Run. C'est présentement à Boston. Voilà. Continuons avec Walkers, c'est la version européenne ou je dirais anglaise des chips Lay's. Walkers, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Oui. Ils ont une nouvelle variété. Okay. Coronation Chicken Crisp. C'est basé en fait sur les années 50. Ah, je suis pas certaine. À la place de célébrer des endroits dans le monde comme Lay's fait, là ils font la célébration des saveurs des décennies. Ouais, non, mais je suis vraiment pas sûre. Non? Au poulet des années 50. Ouais, mais ça a pas l'air bon. Je sais pas. Ça célèbre donc la coronation en 1953. Des chips au poulet. De la reine Elisabeth. Oui, je pense que oui. Arc. Ouais. Ah, il y a une sauce au curry en plus là-dedans. Absolument, mais quand même légère, nous dit-on. Hein? Ouais. Apparemment, ça va bien avec une salade. Ah, merveilleux. Voilà. C'est les Walkers 1950s Coronation Chicken. Ensuite, chez Sprite. Oh. C'est très intéressant. Sprite, tu sais que c'est citron-lime. Oui. Et là, on ajoute du concombre. J'aime ça. Citron-lime et concombre, j'essaierais ça, mais tellement rapidement, j'adore tout ce qui est eau au concombre. Mm-hmm. Je trouve, je sais pas, ça rajoute un petit quelque chose. C'est vrai. Pas grand-chose. C'est très léger, habituellement, comme goût. Et en plus, dans Sprite, c'est goût naturel, 100%, sans aucune saveur ajoutée. Sans aucun sucre ajouté, rien. Donc, j'approuve et j'en veux. Ensuite, les gens achètent des Necco Wafers avant qu'ils disparaissent des tablettes. Est-ce que tu sais ce que c'est, les Necco Wafers? Pantoute. C'est comme des gaufrettes qui ressemblent un petit peu à des hosties. OK. Mais plus gonflées. On avait ça à l'Halloween des fois dans le temps. Ah ouais? C'était comme un genre de puff de pâte qui ressemblait aux hosties. Oh mon Dieu, mais il n'y avait pas des bonbons là-dedans? Il y en a eu qui avaient des bonbons dedans, okay, oui. OK, oui, les soucoupes, là. Maintenant, ça me dit quelque chose avec des bonbons dedans, oui. Exactement. Ce qu'on appelait les soucoupes volantes. Les soucoupes volantes, exactement. Donc, Necco a besoin d'un acheteur. Selon le directeur général Michael McGee, la compagnie de bonbons pourrait très bien faire faillite s'ils ne trouvent pas quelqu'un dans les prochaines semaines. Eux aussi. Ouais, les Necco Wafers sont soudainement très populaires maintenant, comme nous montre le site candystore.com. C'est une compagnie de la Nouvelle-Angleterre. Ça s'appelle New England Confectionery Company. La nouvelle est sortie au milieu du mois de mars par le Boston Globe. Et le même jour, leurs ventes ont augmenté de 50% sur candystore.com. Maintenant, c'est rendu à 63%. Donc, c'est une panique en ce moment. C'est ça. C'est pas très surprenant quand un produit s'en va. Si Necco fait faillite, la gaufrette, si on veut, ne sera pas le seul produit à partir. La compagnie produit aussi des produits qu'on connaît moins ici, mais les Clark Bars, les Sky Bars, les Mary Janes, les Candy Buttons et les Sweethearts. Donc, achetez-en pendant que vous le pouvez encore. Ensuite, parlons un petit peu d'orge et de sucre pour des aliments moins sucrés grâce à l'orge. OK. Depuis quelques années, la chasse au sucre est ouverte. Les industriels de l'agroalimentaire cherchent comment le remplacer, d'autant que les édulcorants ne font pas tout à fait le poids. Mais les choses pourraient changer grâce à une poudre issue de résidus d'orge, nous raconte Futura Science. On connaît la stevia. Mm-hmm. Hein, le pouvoir sucrant de cet édulcorant naturel qui est quelques 300 fois supérieur à celui du saccharose, le sucre de table. Et il apparaît depuis le début des années 2010 dans divers produits alimentaires. La chose, par contre, c'est que les industriels se retrouvent à devoir combler la différence de poids et de volume entre le saccharose et la stevia. À défaut de mieux, ils ont pour l'instant généralement recours à de la maltodextrine ou à du dextrose, par exemple, car ces dérivés de l'amidon ont tendance à faire monter le taux de sucre dans le sang, exposant sur le long terme ceux qui le consomment à des risques d'obésité, d'hypertension ou de diabète de type 2. Alors pour les remplacer, les chercheurs suisses proposent maintenant d'utiliser une poudre de fibres solubles, des bêta-glucanes, issues de dérivés d'orge. Pourquoi l'orge? Ben parce qu'il contient une grande quantité de cellulose qui peut être transformée en bêta-glutane. Dans les résidus de brassage, on en trouve jusqu'à 30% en poids, soit quelques 10 millions de tonnes de cellulose à exploiter chaque année dans le monde. Une matière première abondante et qui plus est, une poudre au goût neutre qui pourrait être bénéfique pour la santé de ceux qui le consommeront. Les études ont en effet déjà montré que les oligosaccharides, que sont les bêta-glucanes, ont un effet positif sur la baisse du taux de cholestérol et du sucre dans le sang et sur le risque de maladies cardiovasculaires. Ce sont également des prébiotiques bénéfiques au microbiome intestinal. On parle de crème glacée maintenant avec la glace la plus piquante du monde. On dit que c'est 500 fois plus fort que le Tabasco. Ah ouais? Ouais, pour une crème glacée. Ça s'appelle Respiro del Diablo. Ça, c'est le souffle du diable. C'est extrêmement piquant. Ça va jusqu'à 1,5 million d'unités sur l'échelle de Scoville. Donc, Respiro del Diablo qui a débarqué à Glasgow en Écosse grâce à Martin Bandoni, propriétaire du Aldwych Cafe and Ice Cream Parlor. Mais la recette est gardée par des fabricants de glace italiens depuis plusieurs siècles. En Italie, chaque année, un concours est organisé pour tester le courage des volontaires et amateurs de crème glacée. Martin Bandoni a décidé de la proposer dans son établissement depuis et les réactions sont assez folles. Certains font même le déplacement depuis l'Angleterre pour tester cette crème glacée. Elle est à 1 569 300 unités sur l'échelle de Scoville. Et en comparaison, le Carolina Reaper Pepper, qui détenait jusqu'à peu le titre de piment le plus fort au monde, est entre 1,4 et 2,2 millions d'unités. Donc la crème glacée est encore plus élevée que ça. Wow. C'est disponible pour l'instant. Si les retours sont positifs, ça pourrait rester de manière permanente. Tasty Floats, qui fait léviter la nourriture jusqu'à votre bouche. Des chercheurs de l'université de Sussex ont eu l'idée de s'intéresser aux interactions possibles entre la lévitation et la nourriture. Ils présentent leur invention à la conférence ACM Interactive Surfaces and Spaces. Donc, les chercheurs ont expérimenté leur système avec trois des cinq saveurs fondamentales. Le sucré, ça c'est une saveur positive. L'amère, qui est négative. Et l'umami, qui est le savoureux, qui peut aussi renforcer les autres saveurs dont on parle tout le temps. C'est comme une catégorie à part. Les chercheurs ont demandé à un groupe de volontaires de tester Tasty Floats avec ces trois saveurs-là, délivrées en trois différents volumes, directement sur la langue via une pipette ou via la lévitation. Les participants devaient ensuite identifier chaque goutte et les classer selon leur intensité et leur satisfaction. Les plus grandes différences entre les saveurs entre la lévitation et la pipette apparurent dans l'intensité. Le sucré était plus intense et reconnaissable, l'amère plus délicat à distinguer. Les chercheurs suggèrent donc que Tasty Floats serait plus adapté pour les desserts. Il pourrait être utilisé pour rendre les amers sains moins amers, plus agréables en bouche à celles et ceux qui n'aiment pas trop ça. Donc un système de lévitation qui amène le goût vers votre bouche et change la façon qu'on le goûte, parce que j'imagine que ça doit faire tomber la saveur à un endroit précis de la langue ou quelque chose comme ça. Parlons de cerveau. Pourquoi est-ce que certains n'aiment pas le fromage? On parle des fois des prix Ig Nobel, qui sont, dans le fond, le concours des prix Nobel inversés où on fait une étude un petit peu particulière. Donc, les Ig Nobel 2017, les lauréats. Parmi les lauréats de ce concours de recherche qui font réfléchir et autres figures des chercheurs français du CNRS récompensés pour une étrange étude sur le cerveau et le fromage. Comme on disait en 2016, ces scientifiques ont décrypté les processus cérébraux qui expliqueraient pourquoi certaines personnes détestent tant le fromage. Oh! Oui. Il semblerait aux chercheurs que nombre de personnes n'aiment pas le type de laitage, donc le fromage. Les chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon et du laboratoire neurosciences Paris-Seine ont donc effectué une étude sur un échantillon de 332 personnes afin de vérifier leur intuition. Le fromage est bien l'aliment pour lequel l'aversion est la plus fréquente. Elle concerne 6% des personnes interrogées, alors que l'aversion pour le poisson ne concerne que 2,7% des personnes testées et celle pour la charcuterie 2,4%. Parmi les personnes aversives au fromage, 18% se disent intolérantes au lactose et dans 47% des cas, au moins un des membres de leur famille n'aime pas non plus le fromage. Ces chiffres suggèrent une origine génétique de cette aversion qui pourrait par exemple être liée à l'intolérance au lactose. Pour étudier ce qui se passe dans le cerveau, 15 personnes aimant le fromage et 15 autres ne l'appréciant pas ont ensuite été sélectionnées et ont participé à une étude d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Elles ont ainsi été confrontées simultanément à l'image et l'odeur de 6 fromages différents et de 6 autres types d'aliments témoins. Elles devaient affirmer si elles appréciaient ou pas l'odeur et la vue de ces aliments, puis si, à ce moment précis, elles avaient envie de les manger. Oh mon Dieu! Ah, c'est trop difficile, hein? Déjà, j'ai pas fait cette étude-là. On se pitcherait sur la table, puis le test finirait instantanément. Je pense. Wow. Les chercheurs ont alors observé que le pallidum ventral, une petite structure habituellement activée chez les personnes qui ont faim, était totalement inactive lors de la présentation d'une odeur et d'une image de fromage chez les personnes aversives au fromage, alors qu'elle était activée par tous les autres types d'aliments. Les chercheurs ont constaté que les aires cérébrales, le globus pallidus et le substantia nigra, qui participent au circuit de la récompense, qui est activé quand on adore quelque chose, était plus impliqué chez les personnes qui détestent le fromage que chez celles qui l'apprécient. Il semble donc que ces structures classiquement impliquées dans le traitement de la récompense sont aussi sollicitées en réponse à un stimulus aversif. Pour expliquer cette dualité, les chercheurs suggèrent que ces régions comprennent deux types de neurones avec des activités complémentaires. L'une liée au caractère récompensant d'un aliment, l'autre à son caractère aversif. Et les travaux ont été publiés sur le site de Frontiers in Human Neuroscience et ça lève un coin de voile sur les aires cérébrales activées par la perception d'un aliment aversif et conduit à penser que le circuit de la récompense peut aussi encoder le dégoût. On reste sur le fromage, justement. Un fromage pour prendre soin de notre intestin. OK. Nous qui sommes intolérants au lactose, ça pourrait être très intéressant. Les chercheurs ont donc sélectionné des souches bénéfiques à la santé pour mettre au point un nouvel emmental. Le fromage, déjà testé sur des animaux, pourrait aider à prévenir la colite, une inflammation de l'intestin. Ses propriétés probiotiques sont actuellement évaluées dans un essai clinique. Les produits fermentés comme le fromage, le vin ou le saucisson nécessitent la présence de micro-organismes qui participent à la formation des arômes, à la texture et à la conservation du produit fini. En même temps, certains micro-organismes appelés probiotiques, souvent présents dans des compléments alimentaires, sont utilisés pour leurs bénéfices pour la santé, comme l'immunité et la digestion. Les chercheurs de l'UMR Stello, ça c'est Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, basé à l'ERA de Reims, ont donc eu l'idée de créer un fromage qui utiliserait des bactéries 2-en-1, douées à la fois de propriétés probiotiques et fromagères. Les scientifiques se sont intéressés à plusieurs souches bactériennes, à commencer par Propionibacterium frudenreichi, une bactérie utilisée en affinage de fromage et qui favorise la formation des trous dans l'emmental. Certaines souches semblent bénéfiques pour la santé grâce à un effet anti-inflammatoire. Les chercheurs ont aussi travaillé avec des souches de Lactobacillus delbrueckii et de Streptococcus thermophilus, des bactéries lactiques présentes dans les yogourts et certains fromages. Le fromage expérimental a été mis au point en combinant plusieurs souches, donc ça pourrait avoir des retombées dans notre bouche plus tard. Des essais sont en cours présentement chez l'homme. Voilà. On va en Belgique. Il y a un bar belge qui s'appelle The Beer Wall qui est contraint d'installer des antivols sur ses verres à bière. Ben voyons donc. Ben ouais, tu sais, voler un verre de bière, ça se fait ça, fois de temps en temps. Oui, ben ouais, tout à fait. Chaque bière parmi les 1600 de la carte chez The Beer Wall est servie dans son propre verre et certains sont vraiment magnifiques, nous dit-on. Nombreux sont les clients à partir avec. Ils perdent environ au moins 4000 verres selon le propriétaire. Ouais. Les touristes en particulier aiment repartir avec et les prennent avec eux sans aucune gêne. Il dit, je cite, « Dans les hôtels, les clients volent les serviettes, dans les restaurants, les salières, dans les bars, les verres. Et pour chez, je ne sais pas pour quelle raison, certains pensent que puisqu'ils paient pour la boisson, ils ont droit à un verre en cadeau. » Ben voyons. Donc, The Beer Wall, qui est malheureusement rendu à prendre des extrêmes mesures et d'investir dans un système d'alarme à 5000$. Les capteurs ont été installés sous chaque verre et si quelqu'un tente de partir avec, l'alarme se déclenche. Parmi les verres les plus volés, il y a celui de la Bruxizot, produit par la dernière brasserie encore en activité à Bruges. Donc sûrement que les vols vont diminuer, mais est-ce que les touristes vont avoir autant envie d'y aller? Je pense que oui. C'est une grande question. Tu sais, en même temps. Ben ouais. Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Au pire, charge plus cher pour le verre. Ah, ça c'est pas fou. Ouais, mais j'imagine qu'il va tout le temps falloir qu'ils commandent des nouveaux verres. Ça pourrait être un petit peu lourd. C'est vrai. Alors on va chez McDonald's maintenant, une astuce qui nous permettrait d'obtenir les meilleurs burgers. Et ça, c'est une attrape, en fait, que je pense que tout le monde va lire et ça va faire que ça fonctionnera plus très bientôt. C'est Cameron Adan qui a travaillé pendant plus d'un an dans divers restaurants de la chaîne à Londres. Il révélait cette astuce sur le site de Cora. Il dit que pour obtenir les burgers et les meilleures frites, c'est simple, il suffit de demander clairement votre billet, votre facture de caisse quand vous passez votre commande. En demandant la facture, les employés de McDonald's vont penser que vous faites partie des clients mystères, des clients qui sont envoyés anonymement par la direction pour vérifier la qualité du service proposé. Il dit aussi que pour mettre toutes les chances de votre côté, on conseille d'aller manger entre midi et 14h ou entre 17h et 19h, qui sont les heures de prédilection de ces clients mystères. Mais pour vrai, je je pense que ça va pas durer ça. Les gens vont tous faire ça, ouais. Demander leur facture. Et on se rappelle du conseil aussi de demander des frites sans sel si vous voulez avoir des frites qui sont fraîchement faites, mais les employés aiment pas ben ça apparemment. Ensuite, oserais-tu toi manger des sushis imprimés en 3D? Non, pas certainement. Non, l'entreprise japonaise Open Meals a mis au point un nouveau modèle d'imprimante 3D d'aliments qui donne l'impression de manger des plats pixelisés. Okay. Les visiteurs du South by Southwest dans les dernières semaines, derniers mois en fait, ont eu l'étonnante surprise de découvrir des sushis pixelisés et comestibles. Ils sont sur un petit tableau de bois et on a l'impression que ça sort tout droit d'un jeu vidéo, mais c'est très mangeable et même apparemment que c'est gustativement très très bon. N'espérez cependant pas trouver du riz et du poisson dans ces sushis et makis pixelisés. Ils sont conçus à l'aide d'un gel comestible qui reproduit les saveurs, les couleurs et les nutriments du type de nourriture imprimée. C'était breveté par Open Meals et le gel en question sort d'une sorte de bras cuisinier sous la forme de petites gouttes qui donnent l'effet pixelisé à la nourriture. Ça prend du temps, l'impression, donc il faut pas être trop affamé. Ouais, mais ça veut dire que tu manges absolument rien, tu manges du gel. Du gel, ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand protéine dans le gel. L'objectif est de proposer aux consommateurs de télécharger la nourriture qu'ils veulent manger sur une tablette reliée à l'imprimante 3D qui s'occupe ensuite de composer le plat. On peut voir les différents types de nourriture concernés par le projet sur leur site web. Ils doivent désormais travailler sur la saveur de la nourriture composée parce que c'est pas tout à fait convaincant. Vrai. C'est bon en photo, par contre. Ben oui. Pas mal bon. On a déjà parlé par le passé, je me rappelle, ça fait vraiment longtemps, de tranches de genre de chocolat Nutella pour pouvoir mettre dans des sandwichs. Maintenant, on a des tranches de ketchup. OK. Ouais. Emily Williams, cofondatrice de Bose Fine Foods, c'est elle qui a inventé ces tranches-là. Elle a eu l'idée alors qu'elle se battait avec une recette de sauce barbecue de son père. Ça demandait par contre de faire braiser une grande quantité de légumes et de les jeter ensuite. La méthode de Emily Williams est différente. Il faut notamment mixer, hacher, cuire et sécher. Mais le résultat est une toute nouvelle manière de consommer cette sauce, qui est donc un genre de ketchup, des tranches de sauce Slice of Sauce. Après avoir trouvé un partenaire d'affaires et fondé sa compagnie, voici donc la campagne Slice of Sauce lancée sur Kickstarter. Il reste encore du temps. Apparemment, plusieurs chefs ont utilisé ou utilisent ce genre de technique de faire ces tranches de ketchup avec ses propres ingrédients. Donc, c'est présentement commandable et vous pouvez les recevoir d'ici le mois de juin 2018 sur bit.ly/sliceofsauce. Continuons avec Sophie Turner, qui aime tellement la saucisse qu'elle a ouvert un Instagram de critique de saucisse. Oh mon Dieu, d'accord. Ouais, donc c'est... pourquoi pas, hein? Ben pourquoi oui, pas. Sophie ben Turner, oui. Ben ouais. C'est une actrice, c'est une vedette de Game of Thrones. Oui. C'est exactement ça. L'émission qui se termine maintenant et des membres de la distribution s'en vont dans d'autres domaines. Sophie Turner, l'actrice britannique qui se marie avec Joe Jonas, est apparemment une critique de saucisse. Bon. Donc Instagram, sur ses stories d'Instagram, elle partage des saucisses. C'est sa mission de coter chaque saucisse qu'elle rencontre. Hein? Vous pouvez aller voir Instagram.com et chercher sophiessausagereviews.com. Elle est passionnée de saucisses. Elle a seulement un post en ce moment, en tout cas en date de l'article. Hein? C'est sûr qu'elle a créé ça. C'est Pensé de tout parce qu'elle a rien de mieux à faire avec Jojo. C'est ça, exactement, hein, franchement. Chez Sonic, c'est une chaîne de dépanneurs aux États-Unis. On a lancé la Pickle Juice Slush. Oh boy! Oui, une slush au cornichon à la nette. Je suis pas magnifique. Selon Today, la saveur de slush est dans 3500 Sonic avec service à l'auto. Ça va être 3500 d'ici au mois de juin. Voilà. Leur menu a beaucoup de trucs, mais là, c'est une nouveauté, la slush au cornichon. Il y a aussi le chili cheese coney, les petites patates, les rondelles d'oignon et un paquet d'autres friandises comme ça que vous pouvez manger dans ce dépanneur avec service à l'auto. Ensuite, PFK, t'as sûrement vu ça. J'avais dit que j'allais en parler la semaine passée, j'en ai pas parlé, donc je me reprends cette semaine. J'ai enfin goûté au fameux Waffle Double Down, le coup double au gaufre au Canada. C'est tellement magnifique, j'ai adoré ça. C'est disponible depuis le 26 mars. Faites ça vite parce que c'est toujours une affaire pour un temps limité, ça. Ouais. C'est donc deux filets de poulet qui entourent une gaufre belge avec une sauce à l'érable et à l'aioli à l'intérieur. Ça change vraiment tout dans ma vie. Ça change du coup double du passé où c'était juste deux tranches de poulet avec genre... de la mayonnaise puis des affaires comme ça dedans, c'était super sec. Là, la gaufre au sirop d'érable et aïoli vient vraiment rendre un petit peu ça plus mou et humecter ton gosier. Je trouve ça très très très bon. Le Double Down qui a eu plusieurs modifications à travers la planète, il y en a eu au bœuf, au porc, au poulet, il y a eu une version au hot dog et un avec une galette de riz, mais c'est la première fois qu'on met des gaufres à l'intérieur d'un coup double. C'est au PFK ici même au Canada. Parlant de gaufres, chez Red Lobster, on a les nouvelles gaufres et homard. Oh. Oui, Crispy Lobster and Waffles, une addition à leur menu Lobster Fest. Et à la place d'avoir une gaufre traditionnelle, Red Lobster y va avec une gaufre fabriquée à partir de leur pâte à biscuits Cheddar Bay. Le Cheddar Bay, donc en version gaufre, vient avec du poulet frit, croustillant, du homard au beurre et un petit peu de sirop d'érable par-dessus. C'est dans les Red Lobster aux États-Unis pour un temps limité. 1080 calories. Juste ça! $20 US. 1080 calories. Wow. Ouais, voilà, c'est tout. Faut arrêter là, Caroline. Ça passe vite, cette histoire-là. Ben oui, hein. C'est rare que j'ai autant de temps pour des nouvelles, mais voilà. C'est assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1, 2, 3, 4. 12:34. On est rendu là. Merci à Philippe Fournier pour sa chronique financière. Merci à Mathieu Janvier pour sa chronique jeux de société. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, on va être là entre 7h et 10h pour nos meilleurs moments de la semaine dans l'édition week-end. Et on se retrouve lundi matin à 7h. Bye-bye. Bon café. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye